US. Numéro 1, c'est le son qui cartonne le plus en ce moment aux States. Any pain. Phénoménal de The Weeknd avec les Daft Punk à l'instant sur Skyrock, classé numéro 1. Numéro 1 du 8 US avec Starboy à l'instant sur Skyrock. Bah, il y a forcément le déferlement après la sortie de ce titre. C'était la semaine dernière, enfin toute fin de semaine dernière. The Weeknd et les Daft Punk classés tout nouveau numéro 1 du 8 US cette semaine. Ils ont donc réalisé le doublé. Ils étaient numéro 1 du 8 Skyrock. Le doublé France-États-Unis. Exactement. Le plus difficile à faire. Le fameux doublé du dimanche. Et The Weeknd donc classé numéro 1 du 8 US cette semaine au détriment de Major Lazer. Voilà. Okay, ça c'est quatrième cette semaine pour Major Lazer. Merci pour ce classement. Steph, on te retrouvera dimanche prochain pour un tout nouveau Hit US pour savoir tout ce qui se passe aux États-Unis. Ça se passe tous les dimanches soirs sur Skyrock avec toi à partir de 20h. Ouais, bah c'est parti. Écoute, je vais faire une dédicace aux auditeurs de la spéciale qui me chambrent parce que Marseille est en train de souffrir face à Nantes. Donc dédicace à vous les gars, kiffez bien la spéciale et moi je vais aller me remettre de ce début de match difficile en pleurant dans les couloirs de Skyrock. Je vais aller te consoler avec Samy. Ah, il y a 1-0 pour les Nantais, tiens, face à Marseille. Allez, c'est parti. On va suivre ça en direct car bien évidemment nous sommes premiers sur le foot, bien sûr. Merci Steph. Ciao tout le monde. La spéciale de Tifoul. 21h minuit sur Skyrock. Et j'espère que vous avez bien profité du week-end et du beau temps sur toute la France. C'est parti pour la spéciale de Difool, les meilleurs moments de la radio libre. Il y a Difool, il y a Romano, il y a Lamarie, il y a Samy, il y a Karim, il y a Cédric le Belge. Dans le cours de l'émission, il y aura Karim de Lyon qui a réussi à mettre à bout de nerfs toutes les auditrices de Skyrock. Le grand retour d'Amaré aussi, notre serial niqueur du nord de la France. On aura Kimberley qui gagne 2 500 € par soir. Elle vous expliquera sa méthode. On se fera également le clash. On parlait de Marseille avec Steph à l'instant. Le clash entre Bengus, le supporter marseillais qui explose les vues sur le net, et Afida Turner. Il y aura les nouveaux pervers de Pamela. On prendra vos inscriptions également pour le jeu des 1 500 €. Cette spéciale, on l'attaque direct avec deux familles qui n'ont rien demandé à personne, qu'on met en contact les unes avec les autres. C'est parti pour le double appel. Allô ? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Eh ben, c'est vous qui avez appelé. Le double appel de Difool sur Skyrock. Vas-y, prépare. Tu peux en envoyer plus. Allô ? Allô ? Ah, c'est parti. Allô ? Oui ? C'est qui, appareil ? C'est merci. Comment ? C'est pour quoi, monsieur ? Bah, c'est pour rien, monsieur. Je vous ai pas appelé, c'est vous qui m'avez appelé. Ah bah non, parce qu'il avait un petit téléphone, je voulais vérifier, vous êtes... Non, c'est pas moi. Ah, c'est vous qui appelez, j'ai juste à répondre. Oui, je sais bien, allez, c'est quelqu'un qui m'a appelé, mais je voulais vérifier le téléphone, ça sonnait tout seul. Bellou ? Oui ? Bellou ? Oui ? Bellou ? Allô ? Bellou ? Bah oui, allez, je sais pas, ça sonne tout seul. C'est, on voit lui. Ah, c'est bizarre, ça. Oui ? Oui, c'est pourquoi ? Oui ? C'est trois, là. Ouais, c'est qui ? Mais t'arrêtes pas de m'appeler, c'est à toi de présenter, c'est pas moi du con. Et quoi ? T'arrêtes pas de m'appeler, espèce de connard. Mais il te manque une case à toi, je t'ai pas appelé, t'es débile ou quoi ? Mais pourquoi mon téléphone il sonne si tu m'appelles pas, du con ? Et puis arrête de m'appeler du con, espèce d'abruti, va, contre ta race, pour qui tu t'es pris, toi, tête de mort, t'es pas appelé, abruti, va, va te faire niquer. Oh, eh ben voilà, on parlait d'énervement. Ah, il est cool. Ah, bah ouais. Bien, là. Ah, il est bon, lui. Ah, bah c'est pas mal. Donc on remercie les premiers, c'était trois, là. Hein. Donc Janine Xavier au début est venue se greffer le troisième, on sait même pas comment il s'appelle. C'était Laurence ici. Ah, c'est Laurence. De m'appeler tête de con. Tête de con. Attention. Chez Jean-Pierre et Jean-Denis. Jean-Pierre et Jean-Denis, c'est la bataille des gens maintenant. Allô ? Allô ? Allô, oui ? Oui. Allô ? Allô, oui ? Oui. Allô, oui ? Oui, c'est qui, là ? C'est Jean-Pierre. Quel Jean-Pierre ? Ah, vous avez trompé le numéro de téléphone. Oui. Bah alors, hein, faut arrêter d'appeler comme ça, dites donc. Non, j'ai pas appelé. Bah attends, mon téléphone sonne, ma femme est témoin, d'ailleurs. Je vous ai pas appelé du tout, alors arrêtez de dire des conneries. Je vous ai arrêtez, pas appelé, monsieur, je suis dépressive. Mais j'ai pas appelé, hein. C'est bon, là, vous arrêtez, là, j'appelle les flics, sinon. Arrêtez de crier. Vous avez vu l'heure, ne criez pas, monsieur, ma femme est dépressive. Ok, bah j'appelle les flics, ok. Les flics, ils ont autre chose à faire, et d'ailleurs, je travaille dans la police, monsieur. Allô ? Allô ? Les mecs sont à bout de nerfs. Vous l'avez, j'appelle pas. Les mecs sont à bout de nerfs. Il reste un, vous êtes là, monsieur ? Moi, je le rappelle. Tu n'as rien compris. Tu dis plus rien depuis tout à l'heure. Tu veux le rappeler ? Ouais, tu dis que c'est la police. Allez, vas-y, très bien. Voilà, on peut le virer. T'as pas une musique de police ? Attends, une petite musique de police. C'est pour donner un peu l'impression que je suis vraiment de la police. Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur. C'est la police nationale au téléphone. On m'a dit que vous aviez des problèmes de téléphone. Les experts. Oh. Non, mais vous voyez, vous foutez de la gueule du monde, là, d'ailleurs. Ah, pas du tout, monsieur. Parlez bien aux forces de l'ordre, s'il vous plaît. On a beaucoup de travail ces temps-ci. J'ai une dame dépressive qui m'a appelé pour me dire que son téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis tout à l'heure. Non, bah, c'est pas moi qui appelle, alors. Je suis témoine, c'est lui. Oui, elle est en face de moi, d'ailleurs. Bonjour, madame. Il me fait du harcèlement sexuel. Tu connais la voix. Vous avez fait du harcèlement sexuel, d'après ce qu'on m'a dit. Ah, j'ai fait du harcèlement sexuel. Ah, du ouais, harcèlement sexuel, c'est exactement, cool, monsieur. Non, mais c'est chouette, c'est cool, hein. Oui, vous parlez mal au téléphone, vous faites du harcèlement sexuel. Vous foulez pas de la gueule du monde, là. Monsieur l'agent. Je vais descendre au commissariat, vous verrez bien. Ah ben, on y est au commissariat, du con. J'y suis. Allô ? Allô ? Non, mais moi, je réponds pas. Moi, je vais descendre, je réponds pas. Allez. Bien joué, ma femme dépressive. Tu fais super bien la femme dépressive, Romano. C'est la spéciale du dimanche soir, avec le meilleur de Difool sur Skyrock. What the fuck ? Alors, Karim, explique-nous un petit peu, toi. Donc, t'as 26 ans et t'es à Lyon et tu nous as appelé au standard disant je suis parano. Mais pourquoi t'es parano ? Ouais, bah, en fait, c'est ça, c'est par rapport à ma meuf. Et je lui fais pas confiance. Ah, mais fais pas confiance à ta meuf. Un peu comme le message que je disais, là, parce que t'as été fait cocu avant. Non, pas du tout, non, c'est pas ça. C'est, non, c'est, bah, pour,

Ouais, je sais pas, en fait. Ça s'est fait comme ça, quoi. Non, mais genre, c'était ouais, lui qui a décidé, quoi. Le hasard. Ouais, je sais pas, une grosse pulsion arrive. Ouais, l'occasion a fait le. Ouais, mais ça va, on te pardonne, alors, c'est bon. Oui, moi, je ouais, te pardonne. Ouais, bien sûr, c'est ça, bon, ouais. T'as raison. Gentil, non, moi aussi, t'es pardonné, Karim. Tu le voulais pas, non, mais tu lui as dit ça, mais elle a dû t'arracher les yeux, quoi. Moi, je sais pas, c'est pas moi. Et les filles, elles sont graves avec toi. T'es en train de te faire tailler depuis tout à l'heure sur tous les réseaux. Ouais, mais c'est pas grave. Avec tout ce qu'elles font, elles devraient pas trop parler, celles-là. Tout ce qu'elles font, mais tu sais pas ce qu'elles font. C'est ça, tu mets toutes les nanas dans le même. Je te parle pas de ma meuf. Moi, je te parle de ce que je connais, de ce que j'ai vu et de ce que je vois et de ce que je continue à voir. Voilà, mais t'as pas vu toutes les meufs du monde, donc. Ouais, ben, mais pas tout le monde dans le même sac. C'est beaucoup, j'imagine pas le monde entier. Et arrêtez de généraliser. Il y en a plusieurs qui nous disent ça, notamment oui. Carmelo. Il fait une généralité avec toutes les meufs. T'es peut-être tombé sur une meuf sérieuse, Karim. Dis-toi qu'elle est sérieuse. Ça fait 3 ans qu'elle est avec toi. Elle t'a pas quitté quand tu l'as fait cocu. Elle doit être très amoureuse de toi. Je vois pas pourquoi elle te ferait cocu. Hein. Mais ça, je le sais. Je sais ça. Mais il y a un truc qui me dit non. Attention, fais gaffe. Mmh. Ouais. C'est enfin, plus fort que toi, en fait. Voilà, c'est ouais, je le gère pas. J'essaie de lui faire con. Ah, t'es un malade. Bon, dites-nous si vous êtes déjà tombé sur des gars comme ça, les filles. J'aimerais bien avoir votre avis. Vous êtes déjà tombé sur un gars qui était complètement parano. Alors Manon, toi tu nous appelles pourquoi ce soir? Dis-nous. Alors en fait, j'ai ma meilleure amie qui a déménagé il y a pas longtemps à Nice. Mmh. Et en fait depuis je suis un peu, enfin je suis toute patrache, je suis triste et tout. Tout à l'heure j'ai eu au téléphone et j'ai vraiment pleuré comme une madeleine dans les bras de mon père. Donc Bah tu sais moi quand je suis parti de vacances j'étais avec plein d'amis, on était combien Karim? Ah oh, je sais pas. Parce ouais, que j'ai ouais, pleuré à la fin. Parce que j'ai ramené j'ai ramené Karim en vacances avec moi. Putain, qu'est-ce que j'ai pas fait. C'est vrai que Karim en vacances c'est quand même un truc assez exceptionnel. Parce que non, ça Karim ça va, c'est bien. Oui, alors c'est bien parce que t'as pas vécu avec lui pendant quelques semaines en vacances. Le mec c'est un relou. Ah ouais, on était une trentaine de gars, de filles, une bande de potes, tout ça. Le mec qui se réveillait en dernier tous les jours. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est Karim. Bah, quand t'as envie d'aller à la plage, que t'as qu'une voiture pour tout le monde et que t'as un gros con qui n'arrête pas de dormir. Non mais quand vous alliez à la plage, vous n'étiez pas à 30 dans une bagnole. Non mais bon, moi j'étais une voiture, plusieurs des voitures. J'étais chargé de ramener Karim, un pote à moi, sa meuf et une autre copine. Bah tu vas à la plage, tu le laisses en galère. On est d'accord. Au bout d'un moment, c'est ce que j'ai fait. Vous savez à quelle heure il se réveillait? Non, vas-y. Vas-y, Manon, un petit pronostic. À quelle heure il se réveillait pour aller à la plage? C'est les vacances, faut. Moi, je dirais 11h. 11h du matin. Romano, un pronostic. Non, je pense que tu te levais plus tard. 14h. Je dirais bien 15-16h, quoi. Ah non, avant. J'aurais dit 13h. Non, je pense que c'est 15-16h. Il dort comme un gros porc. Dans 14h, il se réveille et il est prêt à 15-16h, ouais. Vas-y, dis Karim. Non, une fois, je me suis réveillé, il était 20h30, gros. Ouais. Mais t'étais couché à quelle heure? Je sais pas. Attendu, je dormais à 8h, 9h du mat. Voilà. Ah mais ça m'est déjà arrivé aussi hein. Donc c'est quand même du gros relou. Alors pour revenir aux vacances, parce que tu nous parlais de ta copine et t'étais triste parce que ta copine était partie, elle avait déménagé à Nice et toi t'habites dans le 93, c'est ça? Oui c'est ça. T'es où dans le 93, l'auditrice à voix charmante, on nous demande. Je suis à Bobigny moi. À Boboche. Non mais moi tu vois par exemple le jour où je suis parti, bon je sais que je vais les retrouver mes potes. Hein. J'ai une copine qui vient me voir à la maison et qui me dit. David. Oui, mais moi, Nice, je peux pas y aller tout le temps, tu vois. Elle se met à pleurer, et donc là. Et là, tu pleures. Ouais, ouais, là, a pleuré, ouais. Et là, je me suis dit, bah, je me retienne quand même. Je suis quand même un bonhomme, hein. Ouais, bonhomme. Avec, bonhomme avec des grosses couilles. Et là. Là, tu t'es transformé en meuf. Après, bon, une autre copine à qui je dis au revoir un quart d'heure après, pareil, qui s'écroule dans mes bras. Ouais, c'est touchant. Pourquoi t'as pleuré souvent? Bah, parce que j'étais triste qu'elles étaient tristes que je parte et moi j'étais triste de partir. Ah, j'ai pas réussi à te niquer pendant un mois, mais. Du coup, il pleurait. Ça m'a coûté une blinde en croissant. Je dois aller payer le boulanger en partant, non? Putain, j'ai une plaque de 300 euros. Ah, merde. Vous prenez pour un bouffon, non, mais quand même. Ah, mais tous les matins, les gars. Tous les matins, croissant à la crème, le grand jeu. Ouais. Croissant à la crème, café. Oui, maintenant, t'es du genre émotive ou alors t'es du genre. T'es bonhomme un peu, tu. Non, mais t'as pleuré quand t'as elle est partie. Bah ouais, dans les bras de son père. Bah en fait, quand elle me l'a dit la première fois, j'ai pas vraiment calculé. En fait, j'étais triste, mais j'ai pas pleuré, quoi. Et quand elle est partie, vraiment, j'ai fondu en larmes, quoi. Ouais, mais bon, tu perds. Moi, je peux comprendre qu'on soit. Moi aussi, je comprends. Qu'on soit triste. Ouais, ça faisait 4 ans qu'on restait tout le temps ensemble et tout. Et puis voilà, enfin. C'est voilà, comme une après, pour moi, donc. Ouais, après, tu peux faire du Skype, tout ça, tu peux l'avoir, mais bon, c'est pas pareil, quoi. Bah ouais mais pareil. Le problème, c'est que normalement, j'ai pas de téléphone, là, je prends le téléphone de mon père, donc. Ah ouais, c'est marrant. Ah, en plus? Et pourquoi t'as pas de téléphone? Parce que bah, là, je ne l'ai plus, mais je vais enfin, normalement, je vais en avoir un bientôt. Parce que c'est vrai que tu me demandes comment on fait pour vivre sans téléphone aujourd'hui. Ah, ouais, ah non, mais franchement, ça va, c'est pas si horrible que ça. Hein. Bah, surtout les jeunes, quoi. Après, si t'es un vieux papy, tu captes rien, les portables. Je ne sais même pas que ça existe. Ouais, voilà. Oui, mais non, mais moi, je ne suis pas un vieux papy. Mais non, justement, non, ouais, c'est pour ça. C'est vrai, pour parler avec tes potes et tout, si t'as pas de téléphone. T'es pas vieille et t'es pas papy non plus, en fait. Ah, mais je vais sauver chez eux, en fait, je les dérange jusqu'à leur maison. Non, mais il y a un truc positif dans ce que tu nous as raconté, tu t'en rends peut-être pas compte parce que t'étais un peu dans la détresse. Mais ta copine qui est partie, elle est quand même partie à Nice. Ouais. Et Nice, c'est quand même sur la Côte d'Azur. Ouais, c'est sympa. Et la Côte d'Azur, c'est quand même au bord de la mer. Et tu penses qu'elle va vite t'oublier. Et la mer, c'est sympa. Et pourquoi vite pourquoi tu dis ça? T'as vu, Manon, tu nous appelles parce que t'es en bad, t'es badeuse. Mais moi, j'aime pas la mer. Ah bah, tu fais chier, toi aussi. Et tu veux qu'on te remonte le moral et Romano, il dit, elle va t'oublier, ta meilleure amie. Bah, tu sais, elle va commencer une nouvelle vie. Il faut être réaliste. Des fois, ça arrive. Hein. Bah, tu vois, moi, ma bande de potes, on s'oublie jamais. On s'envoie des messages. Ouais, non, mais déjà, mais ta bande de potes, déjà, ça fait pas 20 ans que tu les connais. Non, ça fait 6-7 ans. Mais moi, il y a des potes, j'ai passé toute ma scolarité avec. Une fois que ça s'est terminé, on s'est perdu de vue. On s'est jamais pris la gueule, hein, mais. Ouais, mais c'est différent. Là, ils étaient comme queue et chemise. Ah, mais moi, je aussi. Voilà, moi, je préfère être un gros cul. Non. Que la chemise. Non, mais il y a des potes, il y a un pote, je l'ai gardé de la 6e à la terminale, même un peu derrière, et aujourd'hui, on se voit plus du tout. Ouais, et oui, mais moi, le problème, c'est que, en fait, je l'ai appelé tout à l'heure. En fait, elle a fait sa rentrée aujourd'hui. Mmh. Elle était vraiment pas bien. Il y avait des gens qui allaient la voir, et en fait, ils leur demandaient juste son prénom. Ah, avant t'habitais à Bobigny. Ah ok, bon bah salut hein. Et genre il partait quoi, il l'a laissé toute seule. Et la pauvre elle reste en plein toute la journée quoi. Non bah elle va se faire des amis là-bas. Mais oui. Bah à la limite pour toi il vaudrait mieux qu'elle se fasse pas trop d'amis. Comme ça elle restera avec toi ça... Oui mais non mais le truc c'est qu'il y a que des cassos. Ça me disait mais c'est que des cassos et tout. J'en ai marre, je veux partir, je reviens. Prenez ça dans la gueule les niçois qui nous écoutaient. Non mais c'est là. Sympa. Non bah elle va s'y habituer, c'est normal. Ah, oui, en même temps bon c'était le premier jour donc. Ouais c'est ça. Elle connaît personne, elle dit ça parce qu'elle est habituée. Ça va se faire, bah oui. Ça se fait avec le temps tu vois. Tiens il y a l'inconnu qui nous dit appelez-moi aussi parce que j'ai déménagé, j'ai laissé plein de potes en bad. Merci à toi. Sinon ouais la solution de Skype. Et ouais il y a Skype ok mais enfin moi je peux pas la contacter tout le temps en fait vu que bah là j'ai pas de téléphone pour le moment donc c'est un peu compliqué. Bah, tu vas la récupérer tu nous as dit. Bah oui, enfin, Inch'Allah, quoi. Je sais pas encore. Bah écoute, j'espère. Inch'Allah. Non, mais tu vas pas passer ta vie sans téléphone. Oui, je pense qu'à un moment ou à un autre, tu vas récupérer quand même, rien. Oui, quand même, mais, enfin, voilà. Joue avec nous le matin, t'en gagneras peut-être un. Ouais, ouais. C'est vrai. Et vous savez qu'on offre l'iPhone 7 depuis ce matin. Ouais. L'iPhone 7 a gagné dans le morning. Ah yes. 6h20, 7h20, 8h20. Avec mon père, hein. Après, c'est pas moi. Bravo, c'est bien. Ah oui, mais en fait, j'ai une petite question, Manu, pour toi aussi. Mm-hmm. À quand les enfants avec carriole? C'est, on verra. Dans pas longtemps. Ah, c'est là qu'il lance des rumeurs. D'ici la fin de l'année, ouais. Là, d'ici la fin de l'année, il est. Ils vont nous faire des jumeaux, vous allez voir. Moi, je vais faire un enfant à Cédric. Ah, bah putain. Ah non, s'il te plaît. Ah non, je vais pense à la race humaine. Ah ouais, ça lui va. Si il est tellement moche, nos enfants, ils seront beaux. Bah oui. Ah, t'es moche, toi aussi, Manon? Non, je suis magnifique, moi. Non, parce que de moi, tu sais, de moi, ça peut faire un truc. Je pense à ça comme en maths, tu sais, ça s'annule. Ouais, non, mais je sais pas, on me dit souvent que je suis très jolie. Enfin, moi, je le pense pas vraiment, comme toutes les filles. Moi, c'est pareil, on me dit souvent, tu es magnifique, Difool, mais je ne trouve pas beau. Ah, si, t'es beau. Non, vraiment, t'es magnifique. Après Cédric. Ah, putain, de merde, la tristesse de la vie. Jamais on m'a fait un compliment aussi super. Vraiment. Putain de merde. Et je suis malade, Manon, faut me préserver. Bon, donc vous nous laissez vos messages. Allez-y. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Alors on va vous demander, vous avez été séparé d'un de vos bons amis ou d'une bonne amie. Vous êtes parti. Et on va vous demander si vous avez gardé contact ou pas. Parce que Romano tout à l'heure il disait oui, difficile parfois de garder contact. On va voir ça tout de suite. Ont-ils gardé contact ou pas? Ouais, des fois ça arrive, hein. Sofiane. Les contacts seront. Et ouais. Donc toi tu es à Nice, c'est toi qui es parti vivre à Nice, tu viens d'ailleurs toi Sofiane. Ouais, moi j'habitais vers Reims avant, parlant de vous. Et ouais. Après en fait je me suis séparé, j'ai pété les plombs, je suis parti en fait à l'autre bout de la France, mais tout le monde croit en fait que je suis retourné au bled en fait. Personne n'est au courant que je suis. Ah t'es planqué quoi. Ah pas de nouvelles. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que j'en avais marre, j'ai tout laissé là-bas, j'ai pris un sac, 2-3 habits, je suis parti. Et en fait il y a pas longtemps en fait mon meilleur ami il va souvent chez mes parents et là en fait mon père il a dit que j'étais ici en fait. Mais t'as pas des potes qui te manquent, tu sais des gens que t'as laissé du côté de... Non, il y a que lui. Il y a que lui en fait, c'est juste on habitait ensemble tout ça donc Ouais, vous étiez proches quoi. Donc en fait, t'as gardé contact avec une personne, c'est ton meilleur ami, ça fait le tri. Ouais. Oh, tu devais être vénère pour repartir comme ça. Et tu vas le voir régulièrement, tu fais quoi toi? Non, non, depuis que je suis arrivé, je suis pas reparti encore. D'accord, donc tu l'as pas revu. T'es parti il y a combien de temps? Il y a 3-4 mois. Ah ouais, genre t'as changé de vie, quoi. Ouais, d'un coup, comme ça. J'ai changé de numéro de téléphone, tout. Ouais, t'es bien, t'es au bord de la mer, en plus. T'as changé de vie, t'as fait du tri. Ouais, mais bon, c'est chelou pour les gens qui te connaissent. Ouais, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça, bizarre, ouais. Ça, de partir et bah, de. Bah ouais, de parce qu'en fait, ils se demandent d'où je suis, tout ça. Ah bon, bah, après, tu m'étonnes. Je pensais qu'il allait mal le prendre quand il l'a su, mais en fait, non, il a, tu vois, il a bien pris. Après, maintenant, je veux dire, y a pas de truc chelou, quoi. On se parle tout le temps. Sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je voulais dire à la meuf là, Manon. Ah bah non, ouais. C'est dès qu'elle récupère un téléphone, voilà, tu vois, moi je suis tout le temps avec lui sur Snap, sur tu vois. Ouais, en oui, plus, sur Snap, ouais, on peut s'appeler en faire, vidéo, bah, tu justement. Vois. Bon bah oui, ça c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, faut récupérer un téléphone, hein, Manon. Ouais, c'est ça. Récupère un téléphone et tu vas être la plus heureuse, tu vas la voir tout le temps. Bon, tu pourras pas la toucher, c'est pas très grave. Elle, ça va peut-être plus la déranger, puisqu'elle nous avait dit qu'elle aimait bien les filles. Voilà. Ouais. Et que quelque part, elle te kiffe un peu en squat, ça. Bon, maintenant, je sais pas trop si elle a retrouvé quelqu'un ou quoi, mais bon, je savais qu'elle voulait sortir avec moi. Voilà, et spéciale dédicace à la copine de Manon, on l'embrasse, ta ouais. copine. C'est quoi son prénom à ta copine, Manon? Elle s'appelle. Tu veux pas dire? Je m'en rappelle même plus. Non, mais tu veux pas dire. Cassandre, t'es sûr, hein? Très bien, excusez-moi. On embrasse Cassandre et on te fait un gros bisou, Manon, en tout cas. Merci de nous avoir rejoints. J'adore. Et voilà, et Cassandre, si tu nous écoutes, elle pense à toi, Manon, et oui, filez-vous un rendez-vous. La spéciale de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Et pour la suite de la spéciale, vous avez rendez-vous avec Romano qui va vous expliquer, qui va vous raconter. On va sortir un dossier. Comment Romano a-t-il failli se retrouver dans le bain de Jerem Star? Le retour également de Karim, notre Lyonnais, qui a réussi à mettre à bout de nerfs toutes les auditrices de Skyrock. Jaloux, ultra possessif et infidèle. C'est juste après le son du Ghetto Phénomène, le groupe de Jul, qu'on écoute maintenant avec Maria Maria et un but partout entre Marseille et Nantes. Tous les matins, Difool a déjà distribué plus de 50 000 euros en cash. Quelle est ta radio préférée? Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, Jimmy, bravo. Ouais. Une trentaine, une cinq, ouf, enfin des masses d'iPhone 7. Ton iPhone 7, le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des familles. Je vous amène votre nouvelle télé ce matin. Oui, ben arrive, tu vas voir, je vais te recevoir. Ah bah, et puis surtout, n'oublie pas les 5000 euros, mon Jackie. Des stars ont réveillé la France. Wesh l'équipe, c'est Jul, maître Gim, c'est le Black M en personne. Oui, moi je suis vierge Marie. En direct de l'appart, 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec une nana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Concert Skyrock. Nouvelle tournée événement Skyrock. Skyrock. Je n'ai pas de glaçons dans mon vin. Ça prend de la place pour. Maître Gims choisit encore Skyrock pour ses concerts en France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. Lille, Lyon, Clermont-Ferrand, Dijon, Amnéville, Nantes, Marseille, Paris. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Toutes les infos sur les réseaux sociaux de Skyrock. Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Tu veux réussir ta rentrée? Il n'y a pas 50 solutions. YAX, YAX. YAX, c'est l'application pour délirer, choper des conseils et se taper des barres. Profite des astuces du peuple YAX et partage tes délires. YAX, partenaire officiel de ta rentrée. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur BMW.fr. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Fidèle au Paris, ils ont mis l'œil sur ma gario. Je t'ai rien fait, tu me salis. chemin. Je ne pense pas à demain. Tu es tout le temps là à te plaindre. Tu es comme moi, tu as deux jambes et deux mains. Qui t'a fait ça, je peux pas dire. T'inquiète pas, toi tu verras pire. Je sais même plus ce que toi faire, mais je sais que tant demain je peux partir. Je sortais de la songe, cabré dans la zone toute la journée. Je voyais les clients taper sur la vitre, le visage mouné. Je connais la galère, frapper des temples tout le temps pour ti. Espèce d'abruti, prends pas mal de la bouche, on va sortir l'outil. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai pas les données, de la maman maille, ouais, il m'en fout, tu le sais qu'on connaît. Skyrock. Alors, quelle est la star qui, si elle s'en allait, ça vous ferait du mal, mais grave, vous seriez super triste. Et je poserai la question dans le sens inverse. Quelle est la star que vous aimeriez voir disparaître de votre champ de vision, de champ d'audition? En gros, que vous aimeriez voir le plus voir du tout, plus précisément. Quelqu'un qu'on aimerait plus voir du tout. Mais et quelqu'un que vous aimeriez, que ça vous ferait de la peine qu'il arrête. Un chanteur? Ouais, on reste sur la musique. Hein. Que j'aimerais plus voir du tout. Ouais, ou plus entendre du tout. Moi je sais ce que je répondrai. Non, moi je sais moi. Ouais. Ah moi j'ai rien contre elle parce qu'elle est très gentille, mais elle me fait mal aux oreilles. Elle fait mal à la tête. Ouais. C'est celle qui vend le plus de disques en France actuellement, mais grave. Moi j'ai votre Céline Dion. Pareil, ouais. Ah ouais. Ah fait mal. Je vais vous chanter une chanson, dites donc. Non merci Céline. Je vais vous chanter une chanson. Non merci, on t'a dit ta gueule maintenant. Si tu m'aimes encore. Putain. Non Céline Dion, c'est vrai, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est sa voix, elle me crispe. Il y en a qui disent, elles sont bien a priori. Hein. Ouais. Bah, en tout cas, pareil que c'est la plus belle voix du monde. En tout cas, elle a de l'oseille. Ah, ça c'est putain, sûr, mon bon Romano. Ouais. Ah putain, mais elle est blindée, mais c'est un truc de ouf. Hein. Alors, une que j'aimerais plus entendre, moi, c'est Céline Dion. Tu vas me dire sur Skyrock, on est tranquille, on la passe pas trop. Non, c'est clair. Ah. Romano, toi qui? Bah ouais, parce que en fait, ceux que j'aime pas, je les écoute pas, quoi. Bah ouais, c'est ça, ouais. Mais genre quand tu zappes par exemple sur des radios et que t'entends un artiste que t'aimes pas, tu cherches Skyrock, t'arrives dans une ville, tu sais pas quelle est la fréquence, tu zappes sur plein de radios et tu tombes par exemple. Si moi je sais parce que c'est marqué. Tu m'aimes encore. Non mais elle, je la déteste pas plus que ça. Moi, elle me fait rigoler quand elle passe à la télé, qu'elle donne des interviews. Elle dit n'importe quoi. Ouais, toute la merde. J'ai compris. Hey, c'est pour mes fans, hein, vraiment, ouais, vous m'avez soutenu. Hein. Hey, je vous fais des becs. Ouais, je vous fais des becs. Je vous fais des becs. À des tas de becs, c'est rock'n'roll. Oui, c'est rock'n'roll. Tu sais, elle fait des jeux de jambes et tout. Et que je vais manger du caribou après. Bouffe-en. Et touffe-toi avec. Eh oui. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Ah, si, moi, j'en ai une grosse. C'est celle, tu sais, qui a. Comment ça s'appelle? Zaz. Ah, t'aimes pas Zaz? La meuf avec sa voix bizarre là, oui. Qui tremble. Ah, Zaz! Marche les pieds nus aussi, non? Attends, t'aimes pas Zaf? T'aimes pas Zaf? T'aimes pas Zaz? Elle te sa zaf. Voix m'énerve. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Ah, il y en a qui disent Jul. Moi, j'aime bien Jul. Ouais, il y a des messages sur Jul. Morito. Non, mais Morito, c'est pas un rappeur. Enfin, il veut faire du rap, Morito. Morito, c'est le gars sur le net qui fesse des filles, qui les fouette. Vous avez jamais vu ça? Ah ouais. Non. T'as jamais vu Romano? Faut que je te présente Morito. Morito fesse les filles et il se fait traquer par plein de monde. Et, et c'est vrai que j'ai vu qu'il voulait faire du rap là récemment. Ouais, apparemment. Ah ouais. Faudrait que je te le présente, Morito Romano. Ah bah, présenter une connexion avec il a fait le bain de Jerem Star. Ah ouais. Sérieux, j'ai eu la proposition, j'ai refusé. Jerem Star, il le fouettait. Alors, expliquez qui est Jerem Star pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bah, Jerem Star, c'est un mec qui fait des interviews dans une baignoire. Oui. C'est lui que soi-disant il me ressemble là. Non, oui. C'est le sosie officiel de Samy. Non, mais casse-toi, je sais même pas qui c'est. Non, mais il écoute régulièrement l'émission et à ce moment-là, on avait parlé de lui. Ah mais j'avais posté un truc sur les réseaux. Ouais. Et en fait, donc c'est confirmé de temps en temps quand il y a un mec avec lui ou une meuf, il pisse dans le bain quoi. Ah non. Et donc il fait des interviews sur Internet. Donc, il t'a invité. Pose des questions. Et d'ailleurs, il a reçu Morito lui. Ouais, il le fouettait dans le bain. Ouais. Morito s'est fait fouetter par Jerem Star dans le bain. Morito, si tu nous écoutes, c'est quand même la honte. Ils sont à poil dans le bain. Bah, on sait pas. Ah, va savoir, gros. Ah, mais genre, ouais, Jerem Star, ouais, je pense qu'il a walpé, lui. Sans complexe. Ah ouais. Lui, il est sans tabou, hein, donc je pense que. Toi, t'es allé dans ce truc, Romano? Ah, non, il m'avait proposé. Du coup, parce que l'autre con, il avait. Non, mais parce que Cédric avait posté un truc sur les réseaux. Ah, comme quoi. Et le mec, en fait, il m'envoie un message privé, il me fait, ouais, quand tu veux. Non, mais j'ai dit, bah, Cédric, t'as dragué Jerem Star? Non, c'est pas ça, c'est que. Bah, attends, tu postes. Romano m'avait traqué, j'avais répondu, j'avais posté une photo de Romano dans sa baignoire. Et je fais, Romano dans la. Avec Jerem Star. Ah. Après, Jerem Star, il a vu le truc, il a répondu, tu vois. Il a dit, ouais, Romano, je t'ai dit. Vas-y, sinon, toi, c'est allez-y, tous les deux. Allez-y, tous les deux, qui ça? Toi et Cédric, interviewé par Jerem Star, ils vous parlent de votre clash. Ça va aller, mec. Ah non, mais Cédric, il y va solo. Moi, j'ai décliné l'invitation, malheureusement. Sur la vie de ma mère. Sinon, Samy, vas-y, comme ça fait les jumeaux, tu vois. Les jumeaux dans le bain. Je me paye, gros, j'y vais pas. Tiens, on nous dit, Morito, c'est celui qui fouette les meufs, c'est ça? C'est ça, ouais. Confirmation, c'est bon, ça. Celui qui fouette les meufs. Donc en fait, il le fait, les meufs sont d'accord, hein, elles savent. Ah ouais, il est à l'hôtel avec elles, il les fouette un peu. Avec tout et n'importe quoi, avec des claquettes, avec une ceinture, avec une serviette. Avec sa bite, des fois. Avec une bouteille de champagne, gros. Oula, oui. Alors, mais tu le vois jamais, Ken, par contre. Ah, tu as jamais vu Ken. Non, tu vois pas Ken, ouais, non. Bon, Morito. Petit à ce moment-là, elle se barre. Yo, c'est la spéciale du dimanche soir, avec le meilleur de Difool sur Skyrock. What the fuck. Donc, on va prendre Pauline, qui voulait qui voulait hurler sa haine, parce qu'elle n'en peut pas, Pauline. Elle est à bout de nerfs. C'est ça, Pauline. Et on a Amira aussi, qui avait un ex qui était complètement parano, donc c'est bien que vous nous racontiez ça, les filles. Super, les filles. Amira, du 95, 19 ans, et Pauline, 20 ans, dans le 6-2, c'est ça? C'est ça, ouais. Putain, quel enfer. T'es déjà tombé mari sur des paranos. Ah, bah, elle a un champ de bras. Ah, là, tu connais l'arracheur de bras? Non, mais lui, il a accumulé toute la merde, quoi, en fait. Amira, est-ce que tu connais l'arracheur de bras de Marie? L'arracheur de bras qui se branlait devant une glace. Non, je connais pas. Tu connais pas, Pauline, tu connais l'arracheur de bras, toi? Non. Ah, tu connais pas l'arracheur. Vous connaissez. Alors, attendez, faut qu'on vous raconte quand même qui est l'arracheur de bras de Marie. Racontez-nous. Alors, Marie, raconte-nous qui est donc cet arracheur de bras. Un mec parano. Bon, il m'a fait pas mal de trucs. En fait, quand j'ai. En plus, c'était pas des plus moches avec lesquels t'es sorti. Non, puis il était plutôt sympa, mais bon, il avait quelques petits soucis, quoi. Sauf qu'il était complètement taré. Ouais, parano, jaloux. Beauté fatale. C'était celui qui faisait du rugby? Non, rien à voir. Non, rien à voir. Si, il était. Il était serbe. Il était serbe, ouais. C'est le serbe, c'est lui, ouais. Oui, c'est le serbe. Je t'en lâche le bras. Tu vas mourir. Ouais, quand j'ai voulu le larguer, il a voulu partir avec mon bras déjà. J'avais appelé Zifou, j'avais dit, je crois que je vais avoir un problème. Non, mais raconte avant ce qu'il disait, par exemple, alors, le matin au réveil. Attendez, mais faut juste vous dire qu'il voulait partir avec le bras de Marie, mais c'était pour la bonne cause. Un souvenir. Car il voulait garder un bout de Marie tellement il l'aimait fort. C'est sympa, ouais. Et sinon, oui, au réveil, Romano. Ouais, pendant la relation, avant cette fameuse scène de l'arrachage de bras. Ouais, c'était pas longtemps avant d'ailleurs. Ouais. Et Marie se réveillait le matin dans les bras de son homme, et là, il avait des mots doux. Oui. Si vous regardez, vous disiez, tu t'es fait baiser par d'autres mecs.

Ah putain. Mais elle a niqué avec lui, tu penses? Ah ta gueule. Ah ouais, ouais. Ça, Romano, tu vois, ça veut dire oui. J'ai pas compris ta réponse. Elle a niqué, tu penses, avec lui? La réponse était ta gueule. Tu penses qu'elle s'est fait déglinguer? Mais à mon avis, comme il l'a dit, je pense qu'elle s'est fait sauter. Ouais, ça, c'est... Ah ouais, je pense, mais bon. Ah, c'est horrible quand tu penses à ça, à l'image. Ouais, mais bon, forcément, tu penses. Mais ça allait bien entre vous, déglingué, là, avant qu'elle te largue? Ben oui, je comprends pas, en plus. C'est... Ah ouais, donc c'est pour ça que j'ai pas compris. Ouais, ouais, t'as pas senti venir le coup, en fait. Mais là, du coup. Et là, vous allez tout. Du coup, samedi, voilà, on a parlé, tout. Et en fait, je comprenais plus rien, parce que quand j'étais avec elle, au moins, tu vois, elle me regardait jamais dans les yeux. Je dis, pourquoi tu me regardes pas dans les yeux? Ah, quelqu'un qui te regarde pas dans les yeux, c'est pas bon. Parce que t'es moche. Elle me perturbe et tout. Elle était toute rouge. Là, je me suis dit, mais attends. Tu me perturbes. Bah, elle avait des trucs à se reprocher. Je pense, hein. Tu m'étonnes, elle s'est fait sauter par l'autre. Et puis surtout, ta gueule. Non, mais excuse-moi de te le dire, Lucas. C'est gentil. Peut-être qu'elle s'est fait déglinguer. Elle t'a rappelé combien de fois? Petit mot d'humour qui est toujours très agréable. Musique, s'il vous plaît. Puis le ton, quoi. Sans pitié. Ah putain, comme tu dis, ouais, ça c'est sûr. Ouais, elle a mis combien de jours à te rappeler après le texto super? Après avoir couché avec l'autre. Oh, ben, je sais pas, elle a mis un mois et demi, je pense. Ouais, un mois et demi. Non, mais moi, tu sais, j'aurais pas répondu, moi. Une meuf qui disparaît un mois et demi, c'est ta meuf. Elle disparaît en te laissant un petit message comme ça. Bah là, c'est plus ta meuf en l'occurrence. À partir du moment où elle te dit c'est fini. Non, mais c'est du non-respect. Je voulais pas répondre, mais j'ai oublié. Mais tu n'as pas genre insulté un peu au téléphone? Insulté sur le message. Tu l'as pas insulté? Non, j'ai insulté son bâtard. Ouais, mais bon, au final, c'est elle qui a écarté les seufs, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que tu t'en prends au mec. Le mec, oh, Romano, j'ai voté ce truc. Non, mais je suis désolé, non, mais quelque part. Ça dépend s'il connaît le mec. Non, mais bon, non, mais le truc, c'est que le mec, lui, il a tenté sa chance. Le mec, tu le connais? Non, je le connaissais pas. Ah ouais, donc voilà, le mec, il a tenté sa chance. Ta meuf, il fallait qu'elle dise non, hein. Ouais, mais oui, mais bon, dans ces cas-là, t'es quand même obligé de l'insulter. Ah ouais, mais je l'aurais insulté elle aussi. Hein. Moi, la meuf, elle m'annonce qu'elle s'est fait. Bah, faut en plus en vouloir à ta meuf qu'à lui, oui. Ah, moi, elle m'annonce, ouais, j'ai couché avec un autre mec, je l'insulte. Kader se fait insulter. Il y a Kenny qui nous dit, c'est une pute. Elle s'est fait sauter, elle s'est fait larguer, et maintenant elle revient. T'es un bouche-trou. Ça, c'est Kenny qui annonce. Mais non, mais attends, laisse-moi finir de t'expliquer. Vas-y. Et genre, du coup, elle est toujours avec ce mec-là. Ah, elle s'est pas fait larguer. Quand je suis parti, quand on s'est vu là, je suis parti chez moi et tout. Et là, elle commence à m'envoyer des messages, enfin genre tu sais des trucs de merde. Et moi au moment, tu sais, je lui dis, j'avais envie de t'embrasser. Et là, elle me répond, pourquoi tu l'as pas fait? Donc je sais pas comment l'interpréter. Non, elle est bizarre. Non mais déjà, tu penses qu'il faut pardonner une meuf qui est partie avec un autre mec qui t'a largué? Ah ouais, parce qu'elle t'a largué, mais ça non. Ouais, non, je sais que normalement faut pas le faire, mais là. Tu vois, je pense que tu vas être malheureux parce que si tu pardonnes ça, après tu deviens une merde. C'est-à-dire que tu t'as cédé sur un truc pareil, elle peut te faire n'importe quoi. Elle se dit ouais, je peux lui faire n'importe quoi, il va rester. Bah de toute façon, je pense qu'elle va pas se gêner. Hein. Bah et ouais. Puis l'irrespect. Ouais, mais... Ah, c'est mon avis. Mais moi pareil. Ouais. Je vote Difool. Merci Romano. Votez Difool. D-I-F-O-O-L. Après, je comprends que t'aies répondu à son message parce que tu sais pas pourquoi, donc t'as quand même envie de savoir le fin mot de l'histoire. Mais oui, voilà. Déjà, ouais. Déjà, à la base, je voulais vraiment pas répondre, mais je me suis dit, attends, peut-être qu'elle va m'expliquer. Donc j'ai dit, ça m'a répondu. Non, mais je comprends en fait que tu réagisses comme ça parce que c'est dans la story. Mais quand tu regardes l'histoire de l'extérieur, un peu comme nous, tu te dis, il faut qu'il la laisse tomber cette meuf. Ouais, mais oui, mais je suis d'accord avec vous, mais j'y arrive pas. Ah ouais, je comprends. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre quand t'écoutes l'histoire et quand tu la vis. Bah ouais, mais moi je te dis, n'y va pas, Lucas. Moi je. Non, mais en plus, franchement, là sur le coup, elle t'a vraiment largué salement, t'as quoi. Pris pour un con. Ouais, mais franchement, j'y arrive pas. C'est un truc. Elle t'a pris pour une merde. Ouais. C'est fini. Ouais, je sais. Point. Non, mais clairement. Ouais, moi j'aurais dit 4 ans, ça fait mal au cul quand même. Ah, c'est clair. J'aurais dit va te faire mettre directement. Laisse tomber. Il y a plein d'autres meufs. Honnêtement, tu chiales une fois et basta. Tu l'oublies pendant le mois et demi. Pendant le mois et demi où on s'est pas parlé là, enfin ouais, elle m'a pas reparlé, mais tu vois, je suis ressorti avec une meuf et tout, j'ai niqué et tout, mais j'arrivais pas à l'oublier. Ah, tu penses à elle? Parce que t'es amoureux. Ouais. Non, mais le problème, et puis c'est tant que t'auras contact avec elle, ça sera plus dur de couper le cordon. Pardon. Ben ouais, mais là, en plus, c'est, je suis dégoûté parce que j'étais en train d'un peu l'oublier et d'un coup, elle me rappelle. Ouais, parce que l'erreur que t'as commise, c'est de lui répondre quand elle t'a envoyé le nouveau message, là, dernièrement, quoi. C'est pour ça que je te disais, faut pas répondre. Moi, j'aurais reçu un message au bout d'un mois et demi, mais ça, j'aurais fait, en plus, hein. Un mois et demi, tu reçois un message. Mais moi, je pense qu'entre temps, j'aurais même bloqué le numéro ou l'effacé. Ah ouais, pas moi, j'aurais essayé de savoir. Ah, j'aurais peut-être recouché avec. Non, franchement, j'aurais essayé de savoir. Mais vous savez, j'ai une copine. Voilà, moi, c'est pour ça que j'y suis retourné. Je suis sûr que tu suis tous ces réseaux sociaux, toi, Antoine. Antoine, Lucas. Il y a Antoine qui La piste. Ouais, bah, bien sûr. Tu regardes tout ce qu'elle fait. Ouais, mais ça, il faut pas faire. Moi, j'ai une copine aussi qui s'est séparée cette année. Et elle passe sa vie à regarder ce que fait, ce que fait son mec. Et elle regarde les photos, elle dit, ah bah tiens, regarde-moi ce con là. Il est en train de boire, il est bourré sur la photo. Non, c'est infernal. Bah, arrête de le regarder. Mais t'as raison. Elle lâche pas, elle regarde tout le temps. Donc c'est vrai que ça te met une piqûre de rappel. T'as raison, Manon, en disant qu'il faut dégager son contact. Ah ouais, il faut couper le cordon, faut plus répondre. Et ouais. Faut plus avoir aucun contact. C'est bien traduit, Marie. Aucun contact avec elle, par contre. Pardon. Tu préfères te respecter toi-même ou respecter cette vipère, nous dit Elfa. Parce que elle t'a pas respecté. Ouais, mais putain, ne me dites pas que je suis le seul à être amoureux. Enfin, des fois, tu pardonnes trop. Mais non. Oui, tu pardonnes trop même. Non, mais puis ouais, dis-toi truc, c'est que. Trop, mais... Attends, j'allais dire un truc super, mais j'ai oublié. Il faut se faire violence pour l'oublier, gros. Attends, Romano, il va dire un truc super. Mais j'ai oublié. Attends, vas-y, parle. Ça t'a. Il faut se faire violence pour l'oublier. T'as dit, fou, il a raison. Tu sais, déjà bloque les réseaux, oui. Bloque son numéro de téléphone, qu'elle ne l'a pas. Bah ouais. Non, mais c'est difficile quand tu te fais larguer pour quelqu'un d'autre. T'as quand même un peu de fierté, t'as quand même un peu d'incompréhension. Et il y a Louise qui te soutient, ouais. Une fille, 17 ans. Elle dit, on parle des mecs qui font les bâtards, ça existe, mais il y a aussi des filles comme ça. Et parfois, c'est 100% pire. Cassou qui nous dit, mon ex m'a trompé 3 fois. Oh ma pauvre Cassou. Maintenant, avec le recul, plus jamais je pardonnerai ça, tu vois. Bah voilà. Elle a vécu ça. Meuf, mais en plus, tu vas être complètement parano parce que la meuf, vu qu'elle t'a fait ça, maintenant quand elle va sortir ou quoi que ce soit, tu vas te dire, ouais, qu'est-ce qui va se passer pendant la soirée. Non, et puis en plus, tu te dis qu'elle revient un mois et demi après, c'est que ça a foiré avec son mec. Ouais. Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est une paumée. Avec tout le respect qu'on lui doit. D'ailleurs, vous la respectez vachement sur les messages. Quel enculé, sale pute. Enfin, de tous les messages, c'est paumée. Tu vois, la meuf, elle est avec l'autre mec. Toi, elle te revoit. Elle a envie que tu la galoches. Elle est paumée. Et ouais. Mais toi, faut pas que tu te laisses entraîner dans la paumitude. Dans la paumitude. Ouais, parce que pour un pote, c'est la meuf. Elle est dans ce délire-là aujourd'hui. Donc, un jour, elle aura changé d'avis. Ou elle va te dire, non, finalement, je reste avec l'autre. Toi, je peux pas continuer. Je peux pas prendre avec toi. Et là, c'est toi qui vas souffrir. Tu vas être un peu son pantin, sa poupée. Tiens, en parlant de souffrir, regarde, ne reviens pas avec elle, c'est dur au début, tu souffres, mais tu passeras à autre chose. C'est une bonne salope quand même, nous dit la meuf cool, 17 ans, tu vois. Je suis d'accord avec la meuf cool, là. Dis-moi, je voulais essayer une technique, là. Parce vas-y, que j'ai un pote qui l'a tenté, bon après ça a foiré à la fin, mais au début ça a marché. Ah, explique. Je voulais genre, tu sais, créer un faux compte Facebook, tu vois, de meuf, et chauffer son gars. Ah, en fait, t'as envie de briser son couple. T'es malin, toi, c'est bien, ouais, ça. Mais j'ai envie de le briser, mais en même temps de me remettre avec aussi. Mais pourquoi? Non. Je pense qu'il faut oublier de se remettre avec. Par contre, tu peux briser son couple, ça peut être bien, ça. Ouais. Mais toi, tu veux le faire parce que tu veux la récupérer. Non. Ouais. Pas bon. Ouais, mais dans tous les cas, déjà savoir qu'elle est plus avec lui, ça va être pas mal. Ouais, mais derrière, ça va savoir que c'était du mytho, le mec qui va se remettre avec elle, ou elle en trouvera un autre. Ouais, c'est possible. Mais moi, je pense que tu vas te remettre avec. Ça sert à rien de faire ça. Mais laissez quand même des idées là. Si vous avez des idées pour briser un couple, vous nous faites signe. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. Jusqu'à minuit sur Skyrock. Cédric, tiens, puisqu'on parle des embrouilleurs, des embrouillés, toi qui es un des spécialistes des embrouilles en général. Dernier embrouille en date, ça date de quand, ce week-end peut-être? Ce week-end pas d'embrouille. Pas d'embrouille, étonnant. Aujourd'hui peut-être, non? Aujourd'hui non plus. Pas juste avant de venir à la radio, non? Non, avant de venir à la radio non plus. Pas d'embrouille. Non, je te jure. Je crois la semaine dernière avec un mec, un feu rouge. Il voulait passer, mais son feu il était rouge, c'était à moi de passer, il voulait pas me laisser passer. Ouais. Au fini, je suis passé. Et sinon, celle, la dernière, je me souviens, c'était cet été, c'était avec les mecs de Chris Brown. Ah oui, c'est vrai que ça raconte. Ah ouais, le fameux. Cédric s'embrouille avec des stars, lui, maintenant. Tu veux ça un peu? Ah, c'est pas Chris Brown, hein, c'est son staff. Hein. Chris Brown est en staff. Moi, je suis embrouillé avec Jay-Z, moi. Ouais. Ils s'en les couilles. Ah, Cédric a retrouvé une embrouille. Hier, sur l'autoroute. Oui. Il y avait des mecs derrière moi, il y avait une voiture, une Clio derrière moi. Tu savais bien qu'il s'était passé un truc. Bah oui. Et les mecs, en fait, ils bombardaient. Donc, tu sais, ils font des appels de phare. Une voiture, elle se barre. Une autre voiture, elle se barre. Et après, c'est à mon tour. Je me barre pas. Voilà, pour faire chier le monde. Ah, toi, t'as un casse-bite. Non, je me suis pas barré. Et le mec, il essaie de passer à droite. Donc, il essaie de passer à droite. J'accélérais. Donc, le mec, il n'arrivait pas à passer. Il faisait des doigts. Non, mais la route, c'est pas un jeu vidéo. Non, c'est mais qu'en plus, ça peut être dangereux. Non, et en plus, t'as pas le droit de rester à gauche sur l'autoroute. Surtout si tu roules à 20 à l'heure. Si, moi, je doublais le mec qui était à côté de moi. Parce que Cédric est très très lent en voiture. Normalement, à chaque dépassement, tu dois te rabattre. Ouais, mais si tu dépasses en continu. Bah non. T'as pas le droit. Bah si. Parce qu'il y a plein de voitures. Là, il a raison, Romano. Bah, je l'ai pas laissé passer, je m'en bats. Non, mais faut couilles. Te rabattre. Ah, donc c'est toi qui as cherché la merde, en fait. C'est ouais, ça me faisait rire. Voilà, je me suis arrêté à l'aide. Ils étaient trois. Ils étaient là, ils m'ont giflé. Attends, ils étaient trois dans la voiture. Et là, je vois quoi? Je vois PA. Je fais putain merde. Ah, ils allaient te niquer au PA. Ah, gros, j'ai accident. Non, je fais un droit de gauche. Boum, boum, boum. Je suis passé au PA. Je me suis barré à l'autre bout, en fait. Ah, t'as fait la pute, tu sais cassé. Ah, ils étaient trois. J'étais tout seul, ma gueule. Mais ils avaient une de ces rages. Je le fais des fois, ça aussi. Mais ça se voit, ils avaient une serrage. Le mec, il me faisait des doigts. dure pas ta. En fait, Cédric, il est content quand il se fait insulter. Si vous avez envie de faire plaisir à Cédric, des doigts. Mais là, parce que moi, j'étais zen, moi. Vous lui envoyez une photo de vous, par exemple, sur l'appli Skyrock, ça marche très bien, c'est gratuit. Une photo de vous avec un gros doigt. Et puis, si vous n'avez pas l'appli, tout ça, ou si vous n'avez pas envie de faire de photo de vous, vous pouvez lui envoyer directement des insultes sur le 41-759 et également avec le Skyrock. Sinon, faites des snaps en mettant des doigts et en insultant. Vous pouvez l'envoyer à Skyrock FM. Ah, moi, ça va, c'est ce que vous voulez. Instagram aussi. Ça lui fait plaisir. T'aimes bien te faire faire des doigts. Alors, tiens, regarde Cédric, celui-ci. Ouais, mais je vais t'en coller. Tiens, ceux-là, regarde. Non, mais là, un contraste, j'ai reconnu. Non, mais là, ils étaient trois, ils étaient énervés. Non, regarde, on est trois, tiens. Plus, tiens, gros doigt. Tiens, un par un, je vous baise. Je vous baise un par un. Dounia qui a un conseil pour ceux qui s'énervent, je crois, ou alors qui s'énervent elles-mêmes, j'en sais rien. Bonjour Dounia. Salut. Salut. Plein de messages pour toi, Cédric. Hein, regarde. Ah. Hein. Cédric, t'es qu'une grosse pute. Et des messages de doigts. Oh, magnifique. Toi, il est où le barbu là? Tournez l'écran là qu'on voit un peu les doigts. C'est Apou qui nous envoie un message, qui te fait un gros doigt. Merci pour tous les doigts que vous envoyez. L'iPhone de Romano aussi. L'iPhone de Romano nous fait un gros doigt. Merci pour. Même les filles nous font un gros doigt. Et sur Snap, il y a que des gros doigts. Il y a que des gros doigts dans ta gueule. Il y a West 59 aussi. Allez, un petit doigt pour Cédric ce soir. Allez. Ouais, des gros doigts même. Red de Maroc 28. Coucou mon pote. Alors Dounia, bienvenue sur Sky, Dounia. Merci. De rien. Merci de nous appeler. Merci à toi. T'as 18 ans et t'es à Tours, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, les embrouilles, tu t'embrouilles régulièrement ou alors t'as un conseil? Ah. Ouais, je suis une grosse vénère de la life. Mais c'est ce que j'ai remarqué aussi, parce qu'il y a pas mal de filles qui regardent. Il y a Agnès qui nous laisse un message, qui elle n'arrête pas de s'embrouiller avec sa mère et avec son mec. Elle a 25 ans. Salut à toi, Agnès. Et toi, tu t'embrouilles avec qui, toi, Dounia? Un peu tout le monde. Tout le monde. Tu peux pas t'embrouiller avec nous ce soir, ça va? Hein. Ah, bah super. Ça va. Bah, tu t'embrouilles, t'insultes? Oui. Ah ouais, bah oui, bien sûr. C'est quoi tes insultes préférées? Évidemment, Marie, ton mec. Ouais, ça peut aller du nique ta mère à grosse pute, enfin, tout. Quoi. On parle pas mal. Voilà. L'embrouille, qui est le truc qui déclenche le plus d'embrouille, un petit nique ta mère ou ta mère la pute. Non, mais ouais, juste voilà, ta mère tout court. Ah, ça, c'est déclencheur, ça. Ça déclenche. Ça, ouais, direct. Au niveau des embrouilles, hein, c'est plus. Et t'as trouvé un moyen de te calmer, toi, Dounia, je crois. Ouais, un peu. Ça marche des fois, ça marche, voilà. C'est pas garanti à 100%. Voilà. En fait, quand le prof ou la personne parle mal, je sais que c'est dur, mais faut se canaliser, en fait. Ouais. Mais comment tu fais? Tu calcules pas, tu tournes ta tête. Tu respires. Ouais, je respire et je dis, dans ma tête, mais toi, t'es qui? T'es rien pour que je te parle. Ouais, c'est vrai. Alors, Cédric, admettons un mec que tu connais pas comme ça te dit ta mère la pute. Ben, je lui mets une patate dans sa gueule. Non, tu te canalises. Comment tu fais pour te canaliser? Ben, je t'ai dit, je lui mets une patate dans sa gueule, après je respire. Mais oui, mais ça c'est après, pas tu bon. Fais du yoga. Voilà, après, tu vois. Non, mais elle a raison, Dounia. Ça m'aura soulagé. Le pauvre type, tu le connais même pas, tu sais même pas qui c'est, le mec qui connaît même pas ta mère, et il te dit ta mère la pute. Ben, ça après, comme ça, elle apprend à me connaître. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ben, je m'en bats les couilles, moi. Parce que ça veut dire que si tu réagis, quelque part, que la vérité qui blesse. Ouais, tu vois, il peut se dire ça, le gars. Non, mais c'est comme ça qu'on dit, c'est pas dit. Pas dans ce genre de situation. Oh, j'aurais pas aimé. Je crois que là, tu vas y passer, toi aussi, je crois. Allez. Je vais te mettre une patate dans ta gueule. Non, c'est vrai que tu n'as pas compris. T'as pas compris ce qu'on essaye de faire. On a Soso qui est énervé. Dounia qui donne un conseil de canalisation. Je t'ai dit, je vais me canaliser sur ta gueule. Tu te canalises. Tu appelles un plombier, par exemple. Ta catam, ouais. Ah, mais je t'ai dit, pour d'autres embrouilles, tu vois, je peux canaliser. Mais la daronne, là, y a pas moyen. Si on te dit Cédric Tête de Veau, comme le dit Tampax actuellement des Côtes d'Armor. Bon, il habite. Ouais, ça va. Ça va. Si on te dit t'es un abruti, message de Pesnas. Ça passe encore. Si on te dit grosse putain de Cédric. Alors ça commence vraiment à être limite, là. Ou alors putain de connard de merde, comme le dit. Ah, ouais, ça défile tellement vite, j'ai même pas eu le temps de voir qui nous envoie ce message, ouais. Ouais, vite fait ça. Et putain de suceuse de chibre. Ah, allez. Toi, tu vois, tu me dis que je me lève et je t'en colle une, par exemple, tu vois. Alors, comment devrait se canaliser Cédric à ce moment-là, Dounia, toi qui es la spécialiste de la canalisation, de l'énervement, de l'embrouille? Ah non, mais moi, ça marche une fois sur je sais pas combien. Ah, ça marche pas à chaque fois, ouais, tu d'accord. vois. Mais je t'ai dit, gros. Mais même, au moins, ça marche. Au moins, ça marche une fois. Non, mais tu bois de l'eau, je sais pas, moi. tu dis, tu mérites même pas ma parole. Ouais, mais c'est ce qu'il faut se dire, un espèce de type que tu connais même pas, qui est un gros con, qui insulte ta mère, qui la connaît même pas. Mais un mec qui te cherche tous les jours. Mais tu le laisses où il est. Qu'est-ce qu'il essaye de faire en te disant ta mère la pute? De t'énerver. Bah, écoute, si tu t'énerves. Marie, bravo, elle est magnifique, Marie. Bah, il faut qu'il assume après derrière le mec. On a énormément de messages pour toi. Gros porc aux cheveux gras, nous dit Alexandre Rock. Ah. Suceuse du 93. Ouais, sale pute de Cédric. Cédric, sale chienne, nous dit Théo. Bah, c'est Théo qui le dit, c'est pas moi. Mais quand ça vient de ta bouche, c'est différent. Et Cédric face de tub du Charlie. La dernière, la plus grosse embrouille de ta vie ou la dernière embrouille que t'as eue, Dounia, c'était quoi? La dernière, c'était la semaine dernière, je crois. Ça va, c'est bon, tu t'es calmé pendant une semaine, c'est pas mal. Ça va, ouais. Ouais, ouais, ça va. Et c'était avec qui? C'était avec une meuf de ma classe. Putain, mais les embrouilles de cours, pareil, toi, Soso. Vous avez redémarré, il n'y a même pas une semaine. C'est déjà ouais, calmez-vous. Ouais. Et bah, c'est les tensions de la vie. Et pourquoi tu t'es embrouillé avec une meuf de ta classe? Ouais, elle prenait trop la confiance. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour te montrer qu'elle prenait trop la confiance? Elle m'a parlé. Elle m'a dit bonjour. Non, elle parlait mal, genre taisez-vous, je sais pas quoi. Parle mal. Ah ouais, t'as pas envie de recevoir des ordres de la meuf, donc tu t'es dit toi. Non, mais bah, vous voulez bosser, vous parliez pendant le cours peut-être. Voilà, c'est ça. Bah y en a qui font ça. Hein. Ouais, mais on la dérangeait pas. En vrai, on la dérangeait pas. Ouais, donc t'as trouvé que aussi la confiance. Quand on parle mal à mes potes ou un truc comme ça, j'aime pas. Donc après, je suis obligée de protéger mes potes et tout. En fait, tout est bon pour s'embrouiller. Ouais, c'est clair en fait. Voilà. Et la plus grosse embrouille que t'aies eue dans ta vie, ça s'est passé comment? Je sais pas, j'en ai eu beaucoup. Bah après, la plus grosse embrouille. C'est dur, hein, quand on s'embrouille tout le temps. Hein. Bah, quand on a tellement. Oui, tout le temps, tout le temps. Ah non, c'était peut-être avec une de mes profs. Genre, je lui ai parlé grave mal, après, elle a dû me virer et tout. Enfin, bref. Et, alors, oui, ça, c'est sûr. Et alors, comment ça s'est passé? Bah, en fait, elle me parlait mal, je l'ai insulté, du coup, ça allait au prof, ouais, normal, et au directeur, et je sais pas quoi. Ah, bien oui, parce que quand on insulte les profs, en général, ouais, en général ils aiment pas trop. Tu lui as dit quoi, la prof? Ferme ta gueule, grosse pute, un truc comme ça. Ah ouais, ouais, gentil, attends, la classe. Quand même. Ouais, ça, c'est sûr, base. Ça passe et pas. Et t'as eu quoi? Ils t'ont fait quoi? Bah oui, quand t'as c'est dit gentil. Ça. C'est gentil. J'étais viré. Bah, en même temps. Bref, étonnant, définitivement. 3 jours, je crois. Ah, mais ça va. Ah, ça va, moi, il m'avait viré 15 jours, moi. Ah, ouais, mais quand les profs ils cherchent après, ils disent non, on n'a rien fait, non. Bah, oui, mais de toute façon, ils peuvent faire n'importe quoi quand tu dis ta gueule, grosse pute. En général, c'est toi qui as tort. Bah, évidemment, ça se retrouve. Ouais, de la gueule. Quel que soit le truc qu'ils aient fait, ta gueule, c'est grosse pute, ça passe pas. Donc il faut canaliser. Donc, tu fais le petit chien. Aller chez le plombier, ouais. Voilà, c'est ça, aller chez le plombier. Pour canaliser Cédric, il faut lui donner une bite à sucer. Et voilà. Ah bah voilà, Blue qui nous laisse un petit message. Bah, bien sûr, Blue. Merci, Blue, pour ton petit message. Là. Tout le monde s'embrouille, c'est normal de s'énerver, nous dit Théo. 15 non, mais est-ce qu'il kiffe s'embrouiller? T'es là, t'es bien, t'es bien, gens, d'accord. Ouais, ça te détend, quoi. Ouais, toi, ouais, ça, t'as voilà. besoin de ça, en fait. Ça moi, j'aime bien quand les jeunes se vénèrent, tu vois. Et faire du sport, Dounia, ça t'a jamais calmé de faire du sport, faire dépenser ah, si, un peu en de. Vrai, si. C'est bien. Parce que je me battais souvent quand j'étais petite. Moi-même, ouais, je me battais souvent. Après, j'ai commencé à faire du basket, voler, j'ai même fait de la boxe. Ouais. Et ça va maintenant, je m'embrouille, mais genre que verbalement. Voilà. Genre, plus physiquement. Bon, c'est déjà ça de gagner. Ouais. Bon, bah, tu vois, ouais. Le sport, c'est pas mal. Bien joué, Marie. Très bon conseil. J'avais vu des messages aussi que t'as dû pomper dessus, d'ailleurs, parce que. Non. Au niveau de la pompe, en général. Non, ah, pas du la première là-dessus. Ouais. Champion n'est pas pompé. En tout cas, on nous avait dit faire du sport, c'est vrai que ça marche, et notamment les sports de combat si vous êtes vraiment un gros vénère. Ouais, c'est pour canaliser en fait ta rage quoi. Bah exactement. Bah écoute, merci Dounia pour les conseils. Merci à vous. Équipe cool hein. Pour se détendre. Certains prennent un bon bain chaud, d'autres font un massage, de la méditation, fument un bête, voient un coup. Lui pour se détendre, il s'embrouille. Cédric l'embrouille. Bon, on va chez Marc. Allô Marc. Ouais. Ouais, bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, c'est Cédric, un de tes voisins. Dis-moi, ouais. Je t'appelle là parce que j'ai un petit problème. Enfin, je voudrais t'en parler avant d'aller voir ta bonne femme. Là, à chaque fois que je passe dans la rue, qu'elle me croise, discrètement, elle met une main au cul. Ouais, mais moi je pense pas parce que là, il n'y a pas Cédric dans mon voisinage, donc ça m'étonnerait, tu vois. Bah, j'habite un peu plus loin. Bah, ça m'étonnerait. Tu veux que ça se passe où? Dans la rue? Bah oui, dans la rue. Dans la rue, je marchais, elle m'a mis une main au cul et franchement, moi ça me dérange. Surtout vu la gueule qu'elle a ta meuf. tu veux, c'est un petit peu l'affiche, quoi. Imagine, il y a des gens qui voient ça. T'as la réputation que je vais avoir. Moi, franchement, je te dis, je pense pas, parce qu'elle part en voiture, donc ça m'étonnerait qu'elle t'ait croisé dans la rue. Donc maintenant, t'arrêtes de me casser les couilles avec tes histoires. Moi, ta meuf, je te la laisse, quoi. Franchement, j'en veux pas, hein. Oh merde. Oh, ça partait, dommage. C'est bien, Cédric, rappelle-le. Allez, je le rappelle. Oui, je pense que ça peut partir ça à n'importe quel moment. Ça va partir en cacahuète. Je pense aussi. Allez. Ouais. Ouais, ça a coupé. T'as peur ou quoi, mec? Peur de qui? Peur de toi? Bah, je sais pas, tu me raccroches au nez, c'est que t'as peur. Mais non, si je m'en bats les couilles de tes conneries, c'est de la merde. Tu sais quoi, je vais venir te voir, moi, tout de suite, là, dis-moi où t'es. Ouais, c'est ça, vas-y, ouais. Porte tes couilles, viens devant chez moi. Tiens, je m'occupais de toi un petit peu, je vais te calmer, là, parce que tu fais le show au téléphone, là. Bah, c'est toi qui fais le show, là. Ouais? Le show au téléphone, tu veux que je te calme? Bah, écoute, vas-y, ouais, j'aimerais bien voir ça. Eh ben, vas-y, je t'attends, vas-y, viens, maintenant, vas-y, bouge ton cul, dépêche-toi. Ah bah bravo. Bravo. Ça y est, c'est parti là. Une invitation pour Cédric. Ah mais vas-y, je le rappelle. Voilà, il parle mal, je vais l'appeler encore. Ça y est, Cédric, t'as bout de nerf. Super. Ah mais vas-y, t'inquiète. Attention, il répond vite lui. Allô. Eh. Qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives plus à tirer ton téléphone? Mais vas-y, vas-y, ferme ta gueule, là, bouge ton cul, baltrin. Déjà vas-y, que t'es vas-y, pas fut-fut. Ouais, ouais, c'est ça, et ta mère. Vas-y, bouge ton cul, viens devant chez moi, là, viens devant chez moi. Il a dit un truc qu'il fallait pas dire. Eh, tu vas te calmer, là. Pas ma mère. Je crois que je vais vraiment devoir te calmer, ma gueule. Oh, ah, parce qu'en plus, ah, bah oui, alors c'est moi la baltrin, t'es avec tes potes, tu fais chaud, là, derrière ton téléphone. Ouais, ouais, mais t'inquiète. Pas ma mère. Je vais venir, je vais m'occuper de toi, tu vas voir. Ouais, ben bah vas-y, viens m'occuper de moi, vas-y, ramène tes potes aussi, comme ça je fallait pas parler toi. De ma mère. Oui, non, on s'occupe ouais, de rien, nous. Dis à ton pote derrière de fermer sa gueule, parce que lui aussi je vais lui en coller une à ce moment. Voilà, veux tu te calmes. Eh, t'as vu comment il se la pète, eh, t'as vu, il se la raconte au téléphone. Ouais, hein. Bah tu te débrouilles, c'est ton copain. Ouais, c'est ton embrouille, moi je sais pour rien. Vas-y, fils de pute, là, bouge ton cul, là. Elle voisine m'avait dit que Marc. Parle mal. Marc, on m'avait dit que Marc c'est une grande gueule, t'as vu, le mec il se la raconte, c'est pas possible. Allô. Vas-y. Ouais, t'avais raison, les voisins. Vas-y, viens devant chez moi, ramène tes potes, je vous encule tous un par un, bande de PD là. Ferme. Vas-y, là, je vais tous vous en coller une. Ah ouais, ferme ouais, ouais, ta vas-y, bouche. Vas-y, viens. Ouais, je suis sûr que tu te la racontes beaucoup, toi. Bim bam bim. Eh ben vas-y, viens, là, je suis devant chez moi, je t'attends. Eh, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, tu connais ça. Ah, ça c'est fort, ouais, ça. Bah, tu parles beaucoup. Ça c'est hein. De la punchline, ça. Ouais, grande gueule. Et bim, ouais, dans les dents. Beaucoup, tu parles beaucoup, allez, ferme ta gueule, là, ramène tes potes, là, je suis devant chez moi, je t'attends. Non, non, mais nous on viendra, non, nous, on vient pas, on va te laisser, nous. Là, tu fais chaud, là, tu fais le chaud devant ouais, tes potes. Ouais, je fais le chaud, y'a rien derrière. Eh, je vais venir tout seul, j'ai pas besoin de mes potes, moi, je vais m'occuper de toi, tu vas voir. Je suis sur le trottoir, vas-y, viens. Ah, il fait le trottoir. Ah, voilà, Cédric. Voilà, je peux te donner 50 balles. Les choux avec tes potes là, vas-y. Non mais j'arrive tout seul, t'inquiète, dépêche-toi, ma gueule. Dépêche-toi. Prépare-toi là, tu vas voir, tu vas manger mon pote. Oui, vas-y. Du calme, Cédric. Oh là là. J'arrive, à tout de suite, ma gueule. Tu me demi-claques, tu tombes, vas-y. Ouais, allez. C'est ce qu'on dit ça. Et quand tu auras le gabarit, mon pote, tu feras moi le malin. Ah, c'est une baltringue, tu fais 20 kilos tout mouillé là. Et je suis sûr que ta meuf, elle me kiffe en secrète, c'est pour ça qu'elle me touche les fesses. Mais oui, allez, t'es beau garçon. Non, alors là-dessus, on n'est pas d'accord avec toi là. Il a 4 ans. Je sais que je suis beau gosse. On est obligé d'interrompre l'appel. Tu fais 20 kilos tout mouillé, t'es avec tes potes, tu fais chouder à ton téléphone. Ouais, je fais un peu plus de 20 kilos. Hein. Eh, mais c'est ta mère qui t'a dit que j'étais un beau gosse ? Allez, vas-y, bouge ton cul là. Bah, je savais qu'elle kiffait sur moi. Mais oui, vas-y, grave. Nique ta mère à la fin, vas-y, bouge ton voilà, cul. Je vais déjà commencer par ta meuf, après on verra le reste. Ouais, vas-y, ramène ta mère, comme ça je l'enculerai devant toi, vas-y, allez, ouais. Bouge ton cul. Elle est occupée, elle a pas le temps, là, tu sais. C'est bien, c'est parti en couille. Bravo, Cédric. Ouais, voilà. Champion. Moi, je te montre, moi. Il est content en plus. Bon, là, le mec, il t'a un bout de nerf à la fin. Bon, là, je vais venir. Eh ouais, un bout de nerf, une embrouille réussie. Bravo, Cédric. Eh ouais, bravo. Merci. C'est la spéciale du dimanche soir, avec le meilleur de Difool sur Skyrock. On lui fait une grosse dédicace à notre Cédric, hein, qui se remet tout doucement, que vous retrouverez très très vite sur Skyrock en pleine forme. Gros big up, merci d'être là le dimanche soir, c'est le meilleur de Difool. C'est la spéciale qui se poursuit avec le grand retour de notre serial niqueur du nord de la France, le grand retour d'Amaré, celui qu'on appelle le casseur de matelas. Amaré qui divise, hein. Je fais un big up par exemple à Defray de Grenoble qui le déteste. Amaré, s'est-il repenti, s'est-il calmé pendant l'été? Vous allez tout savoir. Le répondeur de Pamela aussi en préparation, et je vous l'avais promis tout à l'heure, les 1500 euros, on y va, top inscription. Vous voulez faire partie des tirages au sort qui ont lieu demain matin dans le morning entre 6h et 9h, vous envoyez tout de suite à 1500 au 7 20 20. Je vous rappelle que le morning de Difool depuis la rentrée, c'est 5 fois plus de chances de gagner au jeu des 1500 euros. Difool qui vous appelle toutes les 30 minutes. Inscrivez-vous maintenant, 1500 au 7 20 20, et bien évidemment soyez attentifs, hein, si Difool vous appelle demain matin entre 6h et 9h pour vous demander quelle est votre radio préférée, répondez Skyrock. Ça sera 1500 euros cash, la spéciale qui se poursuit avec Ken Jones tout de suite. Le son Raga Dancehall de l'été découvert sur Skyrock, c'est Don't Mine. Tous les matins, Difool a déjà distribué plus de 50 000 euros en cash. Quelle est ta radio préférée? Eh ben, c'est Skyrock. Mais oui, bravo. Ouais. Une trentaine, une cinq, pff, enfin des masses d'iPhone 7. Ton iPhone 7, le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des familles. Je vous amène votre nouvelle télé ce matin. Oui, ben arrive, tu vas voir, je vais te recevoir. Ah bah, et puis surtout, n'oublie pas les 5000 euros, mon Jackie. Des stars ont réveillé la France. Wesh l'équipe, c'est Jules, Maître Gims, c'est le Black M en personne. Oui, moi je suis vierge Marie. En direct de l'appart, 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Freegun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix canon.

Ça va, Pamela? Ben, ça va très bien. Je t'ai remarqué, Marie, que j'ai la voix la plus aiguë que la tienne. Parfois, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. On va aller faire un tour sur les réseaux. On est connecté en direct sur les réseaux. Ouais, c'est bon, ça y est. On est sur quoi, là? Je demande à notre pervers Romain des réseaux sociaux. Ah. Lui, il connaît tous les trucs de cuit. Ah, ça y est, ouais, on est. C'est bon, on est dessus. Romain, t'es en discussion avec des pervers pour tout à l'heure? Ouais, c'est bon. Ah, il est content. Il est content, c'est ce qu'il préfère faire dans la salle. Garde pas les numéros pour toi. Et là, hein? Eh, partage avec Pamela. Il s'en met deux, trois de côté. En gros, lui, il a mis une photo de Pamela et puis il se fait passer pour Pamela, il discute pendant ce temps. Ouais, c'est un peu ton esclave, Pamela. Oui, exactement. Voilà, ton esclave. Mon esclave sexuel. Ton assistant. Donc, sur tous les réseaux, sur Smack, sur tout le reste aussi. Hein. Donc, c'est parti. On commence à les draguer et on va vous faire écouter surtout ceux qui ont laissé des messages cette semaine. On va commencer par Francisco. Allez, Francisco. Francisco a laissé un message sur le répondeur de Pamela. Oui, je m'appelle Francisco, j'adore les femmes très sexy. Si vous pouvez me rejoindre par le 03 86. Et puis voilà, j'adore les jolies femmes et puis voilà, je suis hétéro. Oui, tu fais bien de le préciser. Non, mais c'est vrai, parce qu'on vous dit au bout d'un moment. Non, mais oui, on aurait pu penser, oui. Non, j'adore les femmes, je suis hétéro. Papa et la c'est Francisco. Francisco. Je suis dans le 03. Ouais. Si vous êtes dans le 03, eh bien, Francisco est disponible. Un deuxième. 06 43 ah. 16. J'adore la masturbation plus que tout le monde. Oh, voilà. Il est passionné, lui. Ah, c'est fini. J'adore mais la masturbation plus ouais, au début. Ouais. Ah, ouais. Oui, il a commencé par le numéro. Ah, non, parce qu'en général, il finit. 06 43 16. J'adore la masturbation plus que tout au monde. Elle est sympa, sa passion. Le mec, dans sa vie. Plus que tout au monde. J'adore la masturbation plus que tout au monde. Ah, plus que tout. Tu lui demandes ce qu'il aime. Non, c'est pas les masturbations. C'est les, oui. La masturbation. Ah, là, ça, j'adore. On passe à Maurice. Pas grave, faites comme si de rien n'était. On passe à Maurice, c'est ça. Hein, Maurice. Au 07 89. Maurice, 56 ans. Oula. Recherche relation. Rencontre. Pouvant devenir sérieuse. Oui, il est flippé. Bisous. À la fin, il s'excite, mais après. Bisous. C'est Maurice. C'est Maurice. Donc, on a le masturbateur passionné. On a Francisco en premier. Et là, on vient d'écouter Maurice. Maurice. Est-ce qu'il y en a un autre? Ben oui, il y en a un autre. Écoutez bien. Cherche un trave. Putain, moi je suis trave, j'aurais peur. Hein, j'irai pas le voir. Cherche un trave à déglinguer. Ah oui, lui, à mon avis, lui, il a envie de casser du cul. Ouais, j'ai envie de péter un fion de trave. Cherche un trave. Cherche un trave. Voilà, j'en connais. Eh bien, tu te rends. Voilà. Monsieur, j'ai des numéros, monsieur. On va te donner le numéro du monsieur. Bois de Boulogne, bois de Bibi. Bois de Bibi. Un autre, les pervers de Pamela, la suite. C'est ceux qu'on va appeler tout à l'heure en direct. Oui, bonjour. J'appelle concernant l'annonce sur Vibratrix. Je pense correspondre à tes attentes. Ah, Pamela. Donc, j'espère avoir l'opportunité de pouvoir discuter de vivre avec toi. Je te laisse mon numéro. Est normal, dis donc. 06 89. Non, mais il est normal. J'espère avoir de tes nouvelles et je te dis à très vite. Non, mais il est normal. Il a l'air normal, c'est vrai. Bien, ouais, c'est clair. Ça fait un peu entretien d'embauche, mais. Oui, un peu. C'est même amène ton CV, tout ça. Non, mais bon, en tout cas, le mec s'exprime bien. Il est, comparé à tout ce qu'on a eu, il est totalement ouais, normal. Mais vu que tu cherches des vacances, à la limite, c'est mieux d'un mec comme ça qu'un taré comme l'autre d'avant. Quoi. Ah oui, mais moi, je préfère l'action. Ah bah, on va mettre celui qui va un trave. C'est bizarre d'avoir qu'il t'ait laissé un message à toi. Cherche un trave, salope. Le mec du trave. Bon, ça. Le normal, on l'appellera quand même. L'autre, il a l'air dans un bel état. Cherche un trave. Et on finit. Allez, on finit avec. Bonjour, j'attends l'appel d'une cochonne pour me vider en l'écoutant jouir au téléphone. 06 20 67. Me vider en l'écoutant jouir au téléphone. Eh bien, c'est parfait, je suis là pour ça. Eh bien, on a de la sensualité en vue, comme vous pouvez vous en rendre compte. Ah oui, ça. Eh ben ça va être sensuel, mais alors à fond la caisse. Et juste dessous, je vous en ai mis d'autres qu'on avait juste écouté comme ça les semaines dernières, mais qu'on a jamais essayé d'appeler. J'aimerais bien tester. Il y en a pas mal des bons aussi. Oui, vous êtes un couple, j'adore les chunes bites pendant 40 secondes. Ah oui, c'est vrai, on essaiera. On va essayer celui-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour, je m'appelle Dominique, j'ai 25 ans. Oui, Dominique, c'est notre genou. Bonjour, je m'appelle Dominique, je n'ai plus de dents, je n'ai plus rien, j'ai 25 ans. Ah oui, il était pas mal, Dominique, j'ai 25 ans, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Dominique, j'ai 25 ans. J'ai 125 ans. Et j'aimerais qu'un travesti puisse se mettre en contact avec moi. Lui aussi. Il est grave, ça cartonne. Discussion, j'adore. Des petits grillés. Premier temps et voir quels sont les goûts et tu as chacun. C'était ta propre. 06 86. Très bien, monsieur. À bientôt. La spéciale de Difool. 21h minuit sur Skyrock. Amaré est avec nous. Salut Amaré, on t'a pas eu depuis les vacances, dis donc. Salut. Comment ça va? Alors, comment va notre baiser, quoi? Le baiser fou. Amaré, le baiser fou. Alors, ouais, ça t'a posé quelques problèmes quand même de passer sur Sky, Amaré, parce qu'il y en a qui t'ont reconnu. La célébrité. Ouais, ouais. Pas mal de personnes m'ont reconnu. Ah, c'est fou ça quand même. Hein, mais genre des meufs? Ouais, quelques-unes et quelques potes aussi. Ah, et des potes, et alors les potes, ils disent quoi? Putain, champion, hein, bravo Amaré. Amaré, vas-y, tu peux mettre un coup de queue là. Amaré qui fait des sextapes. Non, ils sont pas trop de cet avis. Certains, d'autres m'ont dit, vas-y, recadre-toi, arrête tes conneries. Recadre-toi. Ah, il y en a pas qui t'ont dit, putain, tu déchires quand même. Ah, mais attention, après ça, tu sais quoi, j'ai eu plusieurs personnes quoi qui m'ont justement, au contraire, félicité. Qui viennent mes annonces, c'est quoi, m'ont envoyé des mails. Bravo, quel exploit, bravo. Quel coup de rail, là. Ouais, quel démonteur. Continue. Bravo, continue, t'arrêtes pas. On dirait, on parle à un artiste. Ouais, c'est ça. Continue, vivement ta prochaine sextape. Ouais, tu sais, bravo. Dans quelques minutes, il sera une heure. J'aurai les trucs au pied, donc je vais les enlever. On a juste le temps de t'écouter, Amaré, les réactions pour le problème du mois. Je te laisse entre les mains de Romano. Donc, Amaré, bon, toi, tu fais des sextapes régulièrement avec les meufs que tu rencontres. Oula, régulièrement, non. C'est-à-dire, en fait, c'est selon leur demande. Hein. C'est 9 fois sur 10, c'est elle qui me le demande. Ah ouais. Jaloux, soit leur mec ou pour avoir un souvenir. Putain, elle montre pour avoir un souvenir, un petit souvenir pour montrer à la famille. Bah, tu repars avec ta vidéo, t'es content. Et là, cet été, là, t'as bien baisé? Cet été, je me suis pas ennuyé, on va dire. Je suis pas ennuyé du tout. C'est bien. Vous avez vu l'été? T'as passé l'été à Lille ou t'as bougé, toi? Ah, mais je bouge. Hein. Je bouge à Paris, Beauvais, Amiens. Juste pour baiser. Saint-Quentin, Le mec, il a. Ah ouais, tu te déplaces pour aller baiser? Ah, mais après ça, on m'invite. Moi, je pas des invitations. Hein. C'est bien ça, Amaré. C'est des heures fous, Amaré. Bon, alors, par exemple, la dernière, là, avec qui t'as baisé, ça c'est. Raconte-nous. Vas-y, la dernière. La dernière. Oh, la pauvre. Pourquoi la pauvre? Ah, je l'ai déchirée. La pauvre, elle a mal au cul. Pourquoi la pauvre? Bah, on a été chez elle et ses voisins sont venus toquer la porte. Quoi, ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a. Ah ouais, tellement tu l'as désolée. Pourquoi? Parce que ça faisait poum poum poum, ou alors parce qu'elle criait très fort, ou parce que tu criais très fort? Bah, les deux, quoi. Ça faisait poum poum poum, et en même temps, bah, ça criait fort chez elle. Ouais. Voilà, quoi, de ce côté, quoi. Donc, tiens, on a une meuf pour toi, Titine. Il m'excite, j'ai envie de lui. Ah ouais, tu vois? Merci, Titine. Ouais, trop de chance, le poteau amarré. Autre message de LXSA. Non, mais ouais. Non, mais le souci, c'est que 9 fois sur 10, ces gentils ne sont pas seuls. Donc voilà. Ouais, tu veux qu'elles ont un mec, quoi. Ah, elles veulent que tu les baises avec le mec. Et voilà. Ah, avec le mec à côté de toi, oui. Ah, des fois, ça arrive que le mec est à côté. Et il se branle. Le mec est au boulot. Ah, le mec est au boulot. Ouais. Ah, le mec est au boulot. Bon, je vais au boulot. Tu t'occupes bien de ma femme. Oui, ouais, voilà. Vas-y, démonte-la bien. Vas-y. Putain, mais comment il fait? Il y en a qui rêveraient d'être à ta place, tu vois, rien. Ouais. Ouais, mais en fait, comment tu fais? Tu passes des annonces et ça répond, quoi. Faut t'organiser, ouais. Ah, bah, c'est tout ta business. Hein. Amaré, il fait un peu comme Pamela, quoi. Tu sais, il est présent sur tous les réseaux, tous les chats, tous les sites. Le mec est au taquet, quoi. Tous les sites. Fais gaffe, un jour, tu vas tomber sur elle. C'est quoi le réseau qui marche le mieux? Ou annonce et Viva Street. Ah ouais, tu nous avais dit ou annonce, ouais. Ah, et Viva Street. Pamela est aussi là-dessus. Demain, ouais, on la retrouvera d'ailleurs. Mais bien sûr que je suis sur tout ça. Si tu mets une annonce sur ou annonce et que ça mord pas, là, dernièrement, j'ai eu 3 escortes qui m'ont demandé. C'est des escortes qui m'ont demandé. Mais ouais, mais là, c'est des putes. Hein. Bah oui. Ah ouais, mais qui m'ont demandé, c'est-à-dire. À titre privé, hein. C'est-à-dire sans payer. Hein. Ouais, pour Louis, juste pour que tu les baises. Mais c'est quoi dans ton annonce? Tu mets quoi? Tu mets ta bite en photo ou... Non, bah, les photos que je vous ai envoyées. Ah, mais ouais, ils veulent se faire désinguer par un bodybuilder, quoi. Bah, en fait, leur kit, c'est un boxeur, quoi. Ouais, voilà. C'est costaud. Ouais, c'est vrai que t'es balèze. Ah ouais, Amaré, ah ça, il est balèze. Ah ouais, laisse tomber le dos. Ah, il te casserait le cul, Romano. Non, mais j'ai pas envie de me faire casser le cul. Voilà, quoi, leur fantasme, c'est quoi? C'est se taper un boxeur. Voilà, et donc toi, tu as envie de rendre service, t'es présent, c'est super. Ouais, t'es gentil. Présent sur tous les réseaux, fantastique. Tiens, je le kiffe trop, Amaré. J'ai trop envie qu'il me défonce le cul. Regarde le message. Je le kiffe trop, Amaré. J'ai trop envie qu'il me défonce le cul. Mais pour revenir aux vidéos, t'as jamais mis sur le net? Non, ça. C'est juste pour nous, ça. Non, ouais, c'est pour ouais, mais et là, cet été, t'en as fait des sextapes, là? Non, j'en ai fait aucune parce que bon, justement, mais ça, c'est de votre faute. C'est de notre faute. Comme elles ont entendu via les best-of qui sont passés en boucle, et ben voilà maintenant. Non, je sais que cet été, il y a eu un feuilleton à marée, c'est-à-dire qu'on a fait une compile de plein de moments où tu nous avais appelé dans l'émission. Et on a donc mis ça sur plusieurs jours. Tu étais un peu une des stars de l'été à Marais. C'est clair. Ah, mais il y a un moment, je suis passé pendant, je crois, 3 heures. Il y a un mec qui m'a appelé, il m'a dit, mais hey, tu passes en boucle, t'es passé combien de fois? Et le pire, c'est que c'est, voilà quoi, ça spéculait. Non, mais ça y est, t'es une star. C'est pas lui. C'est la célébrité à Marais. Et bah voilà, vive les best-of. Mais genre, il y a des meufs, tu les as rencontrées, elles ont reconnu ta voix, elles ont eu très peur que tu les fasses. Pourquoi? Parce que, voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, je les avais déjà rencontrées, ou alors je les ai déjà eues par téléphone. Ouais. Elles ont reconnu ma voix tout bonnement. Et bah voilà. Elles ont eu peur. Mais les meufs, c'est quoi? Elles ont eu peur de ta bite, tu penses? Non, c'est pas qu'elles ont eu peur. T'as pas une grosse bite, toi, Marais, en plus. Tu casses leur lit. Une bite normale, non? Normal, ça va encore, c'est raisonnable. C'est quoi? C'est de l'ordre de 20 cm, donc ça va. C'est ah, quand même. T'es quand même équipé. Ah oui? Oui. Ne dis pas ça à Romano, avec ses 12 petits centimètres. Ah non, mais 20 cm. Romano est tout petit chez lui. Ah ouais, ouais. Tout est proportionnel. C'est vrai que t'aurais une grosse bite de 25 cm. Ah, ça me ferait une troisième patte, moi. Ouais, tu dis, c'est pour ça que je suis de la team le belge. C'est pour ça. Tiens, regarde les cheveux de Romano. Ah bah tiens, je casse bien le cul à ton poulain. Il y a les cheveux de Romano. T'inquiète, il va se reprendre, Cédric. En plus, vous avez dit que tu avais des mecs qui te connectaient. Il nous dit, je suis gay, mais il me fait triquer à Marais. Ouais, mais il n'y a pas moyen, les mecs. Mais t'en as qui viennent te demander. Ah ouais, régulièrement, j'ai des mecs qui me proposent des plans tarifés, je leur dis non. Non, mais sinon, payer en plus. Non, mais juste te faire sucer à Marais. Ah, mec. Ah, vas-y, vite fait, tu fermes les yeux. Pour 100 balles. Oh, 100 balles. On m'a déjà proposé beaucoup plus. Comment on t'a proposé? Ah ouais, on m'a déjà proposé, juste pour une fellation, on m'a déjà proposé, à la sortie du ring, on m'a déjà proposé 300 balles pour une fellation. 300 balles pour se faire sucer. Transpireux et tout, ouais, putain. Ah ouais, c'est l'option transpiration. Ah, la sortie du ring de boxe, ah oui, d'accord. Okay. J'ai même pas eu le temps de réagir, j'ai un de mes gars de mon collègue qui est venu qui l'a cogné. Non, mais en même temps, le mec qui prend des risques aussi. Il est sorti de ring dans un truc de boxe, le mec, il prend un peu de sucer la bite pour 300 balles. J'étais pas au mieux de ma forme, ça s'est bien passé pour moi, j'avais gagné au deuxième round, j'étais bien. Et là le bonhomme il est venu, il m'a cassé ma soirée en me disant ça. Et ben voilà. Il a bondi de sa chaise et pour tout le monde, hein, c'est toi qui m'as tué. Alors, tu vois que je te suis de 300 balles. Ah bah ouais, mais le mec, il a envie de se faire péter la gueule. Allez, ouais, je pense, ouais. C'était peut-être son fantasme en fait. Bah ouais, sans doute, ouais. Son truc c'était comment je peux me faire péter la gueule. Ouais, c'est un fantasme comme un autre, mais bon, qu'il propose à quelqu'un d'autre alors. Non, mais son fantasme de se faire péter la gueule à la sortie. Ouais, c'est ça, c'était son kiff. Peut-être. Bon, bah écoute, merci à Marais, c'était bien d'avoir tes nouvelles. N'hésite pas à nous rappeler quand tu veux. Et on attend des petites vidéos sympas. Et Romano attend. Ça fait longtemps. Je vais avoir des problèmes, les gars. Mais non, t'es une star à Marais. Bon, on t'embrasse à Marais. Ciao, salut à toi. Ciao. Ciao. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Et c'est terminé au niveau du foot, victoire de Marseille contre Nantes 2-1. Pour fêter ça, on va retrouver Bengouze qui c'est le célèbre supporter marseillais qui explose les vues sur le net. Il s'est embrouillé avec Afida Turner. On refait le clash juste après Sadek. Sadek est gradure sur l'album Nick le Casino. C'est Andalé maintenant sur Skyrock. Sans réfléchir, je l'ai fait. Je traînais tard le soir, rempli les poches vides et les gobelets. Nick le Casino, je les ai fait. C'est toujours le même putain d'épisode. Ils vont encore faire semblant de nous aimer. Ils nous verront toujours comme des migrants. Peu importe la taille de leur télé. Pourtant tu m'en veux, tu m'en vis. La sacoche est remplie. Je crois que je vais tout baiser. Finir sur BFM TV. Bébé, tu le sais. Si je pense te voir, c'est que je suis dans la merde. Un jour, je viendrai sans prévenir et je te dirai en aller. J'ai traîné toute la nuit. Je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on tire dessus, tirons-nous d'ici. Andale, andale, andale. J'suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on tire dessus, tirons-nous d'ici. Andale, andale, andale. J't'aurais dit l'équipe là, il faut changer de vie. Et ils sont tous conneries. Andale, andale. Tellement touché dans la tête, devant la monnaie. Depuis tu paies dans la haine, j'en ai abonné. On a dealé, on a volé, on a charbonné. Tout allé pour avoir ce que personne ne va nous donner. On vendait un peu du shit, t'étais même pas né. Rebeu Renault dans des jazz panettes. Avec tous 5 sur la même canette. Vécu dans la précarité, pas la même planète. J'aime un rythme le genre, même si c'est la merde. Tous les jours, les gueules nous emmènent. Sa mère, un jour, je partirai loin d'ici et je te dirai en aller. J'suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on tire dessus, tirons-nous d'ici. En aller. me sens pas concerné. J'ai traîné tard le soir, rempli les poches vidées, les gobelets. Niqué le casino, je les ai fait changer de croupier. J'étais au Clio, dans les poches, j'ai fait un pépé. Hein, bah tu connais. Bon allez, j'suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on se tire dessus, tirons-nous d'ici. Attalé, j'suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on se tire dessus, tirons-nous d'ici. Attalé, j'aurais dit l'équipe là, il faut changer de vie. Et ils ont tous conneries. Attalé. Spécial du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Et dans un instant, il arrive, il sera avec nous. On vous en a parlé. C'est Ben Goose. Mais je crois qu'il est là d'ailleurs. Salut, il Ben Goose. Ça va le sang? Hey, comment ça? Le sang. On t'entend bien, Ben Goose. Ouais, sors le téléphone de ton cul, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah, le mec, ça fait 2 heures qu'on l'attend. On prend en ligne et on l'entend pas, quoi. Ah, écoute-moi, parce que tout à l'heure, j'ai fait un ballon, tu vois. Ça faisait 3 ans que j'ai plus fait de ballon. Et après, je suis sorti, je suis allé manger. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un peu de retard. Eh ben, c'est pas grave. On t'a avec nous. C'est l'essentiel. Nous allons parler le ventre avant tout. Nous allons parler de ta nouvelle chérie. De ta nouvelle pote. Ouais. C'est Afida Turner qu'on va retrouver dans un instant. Parce qu'il y a eu une embrouille, un clash sur le net entre toi et Afida Turner, Ben Goose. Ben, ça a commencé en février, en fait. C'est-à-dire que je sais pas si au courant, tu te rappelles qu'elle avait fait, elle avait dit comme quoi, c'était Beyoncé, elle avait fait, elle avait recopié. Ah genre, oui, elle oui, oui. Comme, ah ouais, de la plagiat, je sais pas quoi. Genre Beyoncé avait copié, Afida Turner. Genre, ouais. Mais évidemment. Genre. Mais là, évidemment. Je sais même pas qui c'est. Mais tout le monde s'en est rendu compte. Beyoncé copie Afida Turner. Ah, c'est normal. Ouais. C'est sûr. D'ailleurs, Beyoncé, le week-end prochain, va montrer sa touche aussi. Ah, bah oui. Ah, mais elle a pris du crack un peu. Je sais pas. Ah, bref, j'ai fait une vidéo, la première vidéo, et depuis cette première vidéo, elle m'a plus lâché. Tous les mois, elle m'envoie des messages en message privé. Elle te sur ma page Facebook. Elle est amoureuse, elle te kiffe. Elle te kiffe en secret, Afida Turner. Non, mais elle est lombarde, hein. En tout cas, elle a une belle pachole. Ah ouais. Pachole, ben, qu'elle se la garde pour elle, la pachole. Qu'elle se la rase déjà, surtout. Hein. Ouais, qu'elle se la rase. Pachole avec un renard dessus, quoi. Ouais, donc Ben Goose. Elle veut mettre les huissiers au cul, qu'est-ce qu'elle a? On va t'aider, Ben Goose. Les huissiers. Ne bouge pas. On va te filer un coup de main, Ben Goose. Reste avec nous. Toujours présent, gros. Ah, Ben Goose, mon pauvre Ben Goose, avec Afida Turner que tu as sur les côtes qui ne te lâche plus. Ah, c'est ouais. Quand même un truc de fou, ça. Ah, en plus, quand tu m'as mis en attente, j'étais en train de regarder tous les messages qu'elle m'a envoyés. Et alors, elle t'a envoyé quoi comme message? Il s'avère que. Au mois de mai. Oui. Elle me marque Afida Turner, genre, je sais pas, elle marque Afida Turner en début de phrase, je sais pas ce qu'elle a. Oui. Elle se présente. Ouais, je sais pas, elle se présente peut-être. Ça fait 3 mois que tu uses mon image. Sans mon autorisation, tu me dois 20 000. Non, au moins, elle est dans un autre monde. Ah oui, bah, on avait déjà remarqué qu'elle était dans un autre monde. Tout ça, c'est 20 000. Oh, 20 000. Ah, 20 000, attends, tu uses mon image. Elle m'a dit, je vais te ramener Coolio. Qui c'est Coolio? Ah, c'est un de ses ex qui s'est barré parce qu'il s'est rendu compte qu'elle avait quelques soucis. Le rappeur Coolio américain. Et ouais, elle peut me le ramener Coolio. Bah ouais. Voilà, ma femme. Coolio. Qu'est-ce qu'il doit s'en battre les couilles, Coolio? Ah bah, je pense que lui aussi, oui, il doit s'en battre les Coolio. Ouais, les Coolio, elle s'en bat les couilles. Mais elle est terrible. Après, voilà, moi j'ai pas répondu à tous ces messages parce que je n'ai rien à foutre un peu de ce qu'elle dit. Et puis elle commence à me dire sale voleur, enculé. Oh, est-ce qu'elle t'a dit, son célèbre? Putain de ta race. Eh ben non, tu vois, elle a pas eu peut-être le courage. Tu n'as pas eu le droit à ton putain de ta race, toi. Mais je l'ai pas eu en écrit, mais peut-être que je pourrais l'avoir à vive voix. Mais là, avec les vidéos que t'as refait, t'as renvoyé des messages là? Je pense que ça en fait je l'ai envoyé tout à l'heure cet après-midi, je pense que ça a dû gravement péter durant la soirée. Je pense que d'ici demain elle va s'affoler en fait. Ouais, elle va te demander 50 000. Ah ouais. Ouais. Eh hey, putain de tarasse. Tarasse 50 000. 50 000 et paquets. Non, 50 000 culottes, faut qu'elle achète des culottes hein. Ah ouais ouais. Afida Turner, ouais, mais moi quand elle m'a demandé 20 000 euros, je pensais qu'elle veut se refaire les nichons et le cul avec. Bah non, bah là il faut une débroussailleuse hein, avant le nichon et le cul, faut se refaire la chatte. Alors, limite quand elle m'a dit 3 000, je pensais que c'était pour l'épilation, tu vois. Et non, et l'intégrale. Alors on a Jordan au téléphone qui voulait absolument te parler. Jordan de Perpignan, salut Jordan. Salut. Jordan. Salut Jordan. Bonjour Jordan, qu'est-ce que tu as fait? Bengouze. Oh Bengouze. Oh bébé. Oh bébé. Oui. Vas-y, parle-lui. Ça va Jordan? Eh, hey, j'ai vu ta vidéo. C'est le sang. Ah, c'est le sang. Merci le sang. Ah, c'est un vrai elle a fan. Elle a craqué un peu l'autre. Ah bah si, elle a craqué. Hey, je regarde tes snaps. Merci beaucoup. La famille, c'est le meilleur. Et tu as vu les messages d'Affida Turner, Jordan? De son téléphone, non, mais j'ai entendu, ouais. Ah, attends, parce qu'il y a un message vocal aussi. Ouais. Ah, parce qu'il y a un message vocal. Ouais. Oui, parce que cet après-midi, il y a le message vocal. Parce qu'en fait, elle m'envoie sur Messenger. Ouais. Et je pense qu'elle en avait tellement marre d'écrire pour rien qu'elle m'a complètement me l'a fait à l'oral, tu vois. Elle te parle comme une américaine un peu quand même. Yeah man. Ouais. Yeah Bengals. Ouais, thank you. Bengals. Ouais, elle m'a dit thank you à la fin, mais qu'est-ce qu'elle a? Ouais, thank you. Qu'est-ce qu'elle te dit merci quand même. Ouais, mais elle est restée à Miami, son cerveau est resté à Miami. Oui, je sais pas où, mais ouais. Oui. Je suis pas sûr qu'elle soit à Miami actuellement, mais. Non, mais le cerveau, je crois qu'elle est restée là-bas. L'hôtel, c'est dans ses rêves qu'elle a Miami. Ouais, l'hôtel traîne dans les studios d'Energie 12, donc je crois pas que ce soit à Miami le truc. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris de se trimballer à poil? Elle s'est cru où? En Écosse, gros? Non, mais elle voulait faire parler d'elle. Elle a réussi, regarde. On en parle ce soir. On en parle. On en parle d'elle. Ouais, après, moi, d'un côté, c'est que moi, elle me fait délirer tellement. Elle me fait délirer tellement. Elle est amochée. Elle. Ah ouais, Affida, on t'adore. Vraiment. Ah, tu veux écouter le message? Je l'ai, le message. Ah, vas-y. Ah. Alors, le message d'Affida Turner, écoutez bien. Sur la vidéo de Bengouze. Sur la vidéo. Écoute-moi, écoute. Oui, dis-moi, écoute, ça fait 6 mois que je te demande gentiment de supprimer ta vidéo. Je viens de recevoir encore un courrier. On me demande 3 000 euros. Sur les photos copyright utilisées sur l'autorisation de l'agence APACA. Enlève la vidéo parce que c'est une histoire qui va devoir se terminer au tribunal. Au tribunal, Bengouze. C'est pas moi qui vais payer les droits pour vous. Donc il faut supprimer cette vidéo sur YouTube. YouTube. Payer les droits. On vous envoie une autre tête d'avocat, on vous en envoie deux, vous n'avez pas répondu. Alors. Soyez gentils. Thank you. Thank you. Thank you, l'américaine. Hey, t'as de la chance, à toi, elle t'a dit thank you. En général, elle répond. Ouais, mais savait, d'un côté, elle m'a tutoyé, après elle m'a vouvoyé, donc elle savait pas perdu. Trop, tu vois. Eh ouais, mais c'est Affida. Alors, on a. Bah écoute, Jordan, t'es content d'avoir parlé à Bengouze? Franchement, ouais. Eh, Jordan, Bengouze, merci beaucoup pour le soutien à la famille. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me faire une dédicace sur Snap? Ah, je te fais la dédicace sur Snap. Dès que je raccroche, je te fais la dédicace. T'inquiète pas. Et ouais, une dédicace sur Snap. Ah ouais, Perpignan. Bon, merci. C'est le sang. Perpignan, Jordan, c'est le sang. Merci Jordan. Merci, raccroche Jordan. Pas. Merci. Et alors, j'ai une super bonne nouvelle. On a le numéro de téléphone de Affida Turner. Oh, ouais. Ouais, parce qu'on a les numéros des stars. Attends. On a un agenda magique avec le numéro de la belle. On a appelé Beyoncé. Ce qui arrive, je veux pas nous le dire, mais c'est ça. Pote. Putain, merde, mais balance-moi pas, gros. C'est ma cuisine, gros. Tu crois que je lui fais comment? On m'a l'appelé là, tu crois que je lui fais comment? J'y vais d'où, quand même, au début? Ouais, écoute. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Déjà, on va lui annoncer qu'on a des culottes pour elle, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et ensuite, la deuxième surprise, ce sera toi, Bengouze. Ouais. Allez, impeccable. Impeccable, c'est parti. Bon, on va voir si elle répond déjà. J'espère. Affida Turner, sur même si elle répond pas, sa messagerie doit être pétée. Américaine. Ouais, obligé. L'américaine. Attends, on va lui parler en américain. Vas-y. Hello. Hello. Hello, Affida. Affida Turner. C'est son pseudo, hein, parce qu'elle s'appelle Leslie au départ. Hein. Ouais. C'était Leslie du Loft. Ouais. Oui, c'est ça. À la base, elle s'appelle Josiane. Mais... Josiane au départ. Bonjour, vous êtes bien à la boutique Bengouze. La boutique est ouverte du mardi au samedi. Mais tu t'es trompé le numéro. Et Bengouze, tu t'es trompé. Ah, nous as donné le numéro de la boutique Bengouze. Ah, c'est trompé. Vous n'allez pas dire que c'est lui qui nous a donné le numéro. T'es sûr, bébé? Ou alors c'est moi en le composant. Ah, non, bébé. On s'est trompé, gros. Vas-y, attends, je te reprends. Alors, attends, reprends Bengouze. Et puis, dans un instant, on fait un petit point et on appelle la belle Affida Turner. Oui, ça surprend. C'est bon, on a le numéro. On a le numéro, là. Allez, bon, Bengouze. Oui. Allez, on a le bon numéro. Allez, cette fois-ci, on appelle. On envoie. Ouais, file-nous pas le numéro de la famille, Bengouze. Attention. Parce qu'elle est tellement jobarde qu'elle a mis le numéro de mon magasin pour m'appeler, en fait. Je crois. Alors, c'est parti chez Affida Turner ce soir. Attention. Je pense que ça va être sexy. J'espère qu'elle va répondre. Allez, décroche. Décroche, Affida. Affida. Affida. Affida. Affida. T'as pas chol. Putain, on a des culottes pour elle en plus. On s'est cassé le cul ce soir. On a réussi à lui choper des culottes. Allez, Affida. Oh. Mais la meuf, elle a pas de répondeur ou quoi? Ouais,

Oh, tout le monde est d'accord avec nous, c'est marrant, hein. Ceux qui sont amoureux te disent qu'ils ont fait des conneries, qu'ils sont revenus avec quelqu'un qui les avait fait cocu, mais qu'il faut pas revenir, surtout quand même, on peut le dire, elle t'a largué un peu comme une merde, ta meuf. Ah bah, même. Ah oui, oui, ah bah, comme une grosse merde. Ouais. 4 ans, Bah ouais, au bout de 4 ans, comme ça, elle t'envoie un message, c'est fini. C'est fini, point. Elle disparaît un mois et demi, elle revient. Elle s'est sautée par un autre entre temps, hein. Ça, on est pas sûr. Ouais, on est pas sûr, ici, quasiment. Vu ta réaction, elle s'est fait sauter. Donc toi, tu voudrais briser le couple, et on va voir si vous avez des idées, briser le couple. De ta meuf et du gars, le nouveau gars qui est arrivé, qui est le pauvre, lui, il est pour rien, mais bon. Il y a un message de Louise, pas con. Vouloir lui détruire son couple, ça va te satisfaire sur le moment, mais tu vas continuer à t'accrocher, tu vas souffrir plus qu'autre chose. Tu vas souffrir plus qu'autre chose. Ouais, après, ça peut devenir une obsession, c'est vrai. Ouais. Tiens, j'arrive pas à me séparer d'une meuf que je kiffe. Lui, il te comprend, c'est l'inconnu, 19 ans. Et, merci. Et sinon, regarde Adil, 17 ans, qui nous dit, diffuse une rumeur sur la fille en faisant croire que, en faisant croire qu'elle est, le fait cocu, le gars, faut que ça vienne aux oreilles du gars, tout ça. Non, je veux pas sur elle, sur lui. Et il y a Dame 52 qui dit, mais putain, ça m'est arrivé exactement la même chose, c'est hallucinant. Je me suis parmi avec elle et c'est la meilleure décision de ma vie, donc remets-toi pas avec. On va voir ce qu'en pense Antoine, Alex qui sont avec nous, Antoine de Lens, t'es là Antoine. Salut Antoine. Ouais. Salut Lensois. Et Alex de Lille. Ah, en plus, c'est la guerre entre les deux villes. Ouais, c'est... Salut, Lioa. Salut, ça va? Ça va, Alex. Coucou. Un truc à bisous à faire à Antoine le Lensois. Moi, c'est mignon. Ben Antoine, bon. Un bibi à faire à Alex de Lille. Mais c'est moi qui ai fait le bisou. Ah, alors, Alex fait un petit bisou à Antoine aussi? Non, ça ira. D'accord. Ah, okay. Ouais, d'accord, super. Je vous l'ai dit, il y a un truc entre Lens et Lille. Bon, alors, toi, t'as une petite idée et un petit conseil à donner, Alex et Antoine, pareil. T'as vécu la même chose, Antoine? Ouais, bah moi j'étais dans le sens inverse en fait, j'étais à la place de sa meuf, c'est-à-dire que moi je jetais toutes mes ex comme des merdes genre, en envoyant un message de merde quoi. Mais pourquoi tu fais ça? Bah je sais pas, parce que c'était saoulant. Puis moi du coup je lui conseille de la laisser tomber, parce que moi quand mes ex ils essayaient de me revenir, de harceler et tout, ben je les envoyais chier comme des merdes. Ah donc toi t'es d'accord avec nous, même si tu as fait la même. Mais pourquoi tu l'as toutes les meufs comme ça? T'étais un bel enculé quand même. C'était toi l'enculé, sale chauve. Allez. Non mais c'est vrai que t'étais un enculé quand même, avec un peu de recul. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que je sortais avec quand j'avais un coup dans l'aile en fait, et du coup le lendemain je me disais ouais, j'ai plus trop envie. Ouais, mais c'est pas pareil qu'une histoire de 4 ans comme le pauvre Lucas. Différent, hein. Mais quand t'avais un coup dans l'aile là, t'en as baisé des moches? Non. Wow. Ouais. Wow. Oh. Attends, faut dire la vérité quand on est sur Sky. Là, hein. Tu m'étonnes un peu là. C'est moche, mais comme qui? Bah, comme Cédric. Tu connais bien l'émission, c'est bien, Antoine, c'est bien. Donc, toi, tu lui conseillerais, ouais, t'es d'accord avec nous, ouais. Bah, ouais, il va la saouler. Et puis, en plus, j'ai entendu qu'il voulait briser son couple. Moi, je pense qu'il va choper plus d'emmerdes qu'autre chose, quoi. C'est pas une bonne idée, non? Ouais, quelle emmerde. Bah, je sais pas, si le mec, il va peut-être se vénère, si t'essayes de péter son couple ou quoi. Ouais, il peut se vénère, ça, c'est le même problème. Je lui dis qu'il dit pour briser un couple, parce qu'on prend les idées pour briser un couple, même si on n'est pas d'accord. Il faut faire des fausses lettres que tu mets dans la boîte aux lettres. Ah oui, j'ai des lettres d'amour. Ah ouais, toujours plus. Ou alors, c'est comme un corbeau. Oui. Alors, j'ai vu, t'envoies une lettre au mec. Oui, j'ai vu votre copine en train de faire sauter par. Ouais, un tel. Ou des tels même, plusieurs à la fois. Des tels. Donc, ouais, on va voir si t'as une idée, Alex, là-dessus. Toi. Une petite idée pour briser le couple. D'après toi, il faut briser le couple ou alors il faut passer à la suite et vivre sa vie? Bah non, qui la laisse, carrément. Ah ouais, donc lui, toi, tu étais d'accord, mais tout ça de côté, on oublie on est tout. D'accord, ouais. Ouais, désolé pour lui, mais c'est une grosse salope, quoi. Non, mais c'est vrai, mais là-dessus, t'as pas tort. Hein. Non, c'est clair, elle l'a pas respecté. Après, c'est vrai, moi, j'étais 5 ans et demi avec mon ex et tout, elle est partie avec un autre, et puis c'est tout, quoi. Ça m'a fait mal pendant 2-3 mois, mais après, je faisais du sport et tout, et j'ai évacué, et puis c'est tout. Puis j'imagine, t'as retrouvé une meuf avec laquelle c'est bien passé, non? Moi, non. Toujours pas, non, par contre. Ah, merde, tu galères. Non, ça fait 5 ans que je galère. Non, 5 mois, mais je veux dire, je prends comme ça, quoi. Ouais, tu baisses de temps en temps, quoi. Elle t'a largué comment? Bah, en fait, elle était avec un collègue de boulot. Ah, la salope. Ah, mais elle t'a largué par texto, t'imagines tous les matins. Non, en fait, vu que ça allait plus, quand je suis rentré du travail et tout, j'ai mis les choses au clair, vu qu'elle était distante et tout. Et j'ai demandé si ça allait plus, elle a dit, à la base, elle me mytho, disait qu'elle allait voir une amie. Oui, bah évidemment. C'est trompé, c'était un ami, mais bon. Elle va pas dire, mais je vais voir un cum. Mais si vous êtes sauté au travail? Ah, ça, je sais pas, après, c'est ce que je m'en tape, hein. Ah, ouais, t'as pas essayé de savoir. Non, mais sans doute, de le retrouver. Non, ouais, mais après, voilà. Après, j'ai vu qu'elle se faisait belle une partie, trois quarts d'heure avant le boulot. Après, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Ah, ouais, elle allait se prendre son coup avant d'aller au boulot. C'est vrai. C'est vrai que si, je sais pas, si vous avez quelqu'un. Ouais, là, c'est quand même flagrant le truc, ouais. Vous sentez quelqu'un, puis elle décide de partir au boulot, au lieu de partir pour arriver à 9h tous les jours, par exemple. à 8h, 8h15. Elle part à 6h du matin. Ouais, et puis elle se fait jamais aussi belle que pour partir ça. Au boulot. Genre, elle est en pantalon d'habitude et là, elle met une petite jupe, elle se maquille et tout. Ouais, tu te dis, il y a un truc. Là, c'est vrai, c'est ailleurs. Ah, ouais. Là, c'est vrai, c'est chelou. Ouais. Mais, non, mais après, voilà, après, malheureux. Enfin, même si c'était, j'ai resté 5 ans et demi avec, ça fait mal, mais bon. Ah non, mais c'est vrai, ça fait mal au cul. Ouais, bah ouais, ouais. Qu'est-ce que vous nous proposez donc pour briser un couple? Douche Brasil, bonjour Douche Brasil. Tu mets des photos à poil d'elle si tu en as dans leur courrier ou alors sur le net? Non, sur le net, tu vas prendre un risque. J'ai déjà fait une fois, j'ai des problèmes, c'est bon. T'as quoi? T'as la police qui est venue te voir? Non, elle a porté plainte. Non, son père, il voulait me tuer. Ah oui, c'est pas, en plus, c'est con. En plus, c'est con, c'est que c'est toi. Elle sait très bien quand est-ce qu'on l'a pris en photo à poil. Bah oui. Ouais. Non, mais elle a m'embrouillé à tout le monde. Donc... Non, mais ça sert à rien. Elle, ouais. Ah bah, elle est gentille, elle. Tiens, la semaine prochaine, je vous envoie ma sextape. Ah ouais, cool. Ah, t'as vu moi la semaine prochaine. Sympa. Elle envoie ça à tous ses potes. Nickel. Qu'est-ce que tu fais croire au mec que tu ressors avec elle et comme ça elle va se retrouver toute seule, le mec va la larguer et ne ressort surtout pas avec. C'est un bon conseil, c'est Aluminium qui nous laisse le message. Je suis d'accord avec toi, Alu. Ouais. C'est pas mal cette idée d'Alu, non? Ouais, ouais, pourquoi pas. Je suis d'accord. Moi, je serais plus d'avis de l'avoir plus de contact avec, mais... Bon, alors, Romano, tu restes sur... On rend tous les contacts, on oublie son numéro de téléphone, on le bloque. Ouais, parce que même, admettons, regarde, Lucas, tu brises le couple, qui te dit qu'elle va se remettre avec toi? Ah, j'en suis sûr. T'en sais rien, pour un peu, il va y avoir un mec qui va arriver entre temps. Tu vois, Lucas, malgré tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, je te sens, toi, tu vas retourner Ah, ouais, c'est ce que je t'ai dit, ouais. Bah, tu vas essayer, en tout cas. Mais c'est sûr, si j'ai l'opportunité, j'y vais. Ah, c'est sûr. Ouais, tu vas le faire, tu vas remorfler, et puis après. Puis dans deux mois, tu le rappelleras parce qu'elle t'aura refait cocu. T'es encore amoureux. Bah, c'est bien, ça nous fera l'occasion de te reparler, Lucas. Ah, c'est bien, ça nous fait des épisodes, ouais. C'est la spéciale du dimanche soir, avec le meilleur de Default sur Skyrock. Un nouvel épisode en prépa avec Hicham, le chauffeur de bus de Lyon qui va vous raconter des trucs de dingue qu'il a vu en travaillant. Terminera l'émission avec un double appel. Et là, le son rap français de PNL sur l'album Dans la Légende. Nah, c'est seulement sur Skyrock. Ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, putain creuse. Pas con, m'invite, pardon, je recompte. Mes rêves se ravis, money. Leur offrir tous ces rêves, on va brûler. Sans que tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rues sont devenues vertes. Non. Ok, je m'en balais. Je crame une clope dans la. Cette passion, voir ma. Je fais pas à ma. Le Yankee veut ça. En menant dans la. Au parle. Au milieu des tochas, je fais le tour de la plaine avec Epona. Je l'attends rêver, j'ai pas fini clochard. Nanané. Grosse de pute, tu me jalouses. En regardant YouTube, tu me jettes l'œil. Je fais plus de E à chaque lettre sur ma feuille. Nique ta mère. Un cœur de ice, tu connais. Olé, olé, je suis parisien, enculé. Volé, volé. Aux riches, mais pas aux pauvres, salope. Une légende comme Aïe sur le terrain. Aïe, tu sais, ma bitch, on aime la maïse avec cette merde que la mif. Braille, bataille. On pourra pas dire qu'on est condamné. La lumière on la voit que depuis cette année. 170 degrés je dois pédaler. Laisse les parler. Des schlags et des schlags je peux plus les compter. Et l'hôtel de l'air elle me sert à bonté. Je suis pas là mais VR continue de voter. Dans l'escalier. Je veux du L, je veux du V, je veux du G. Président, ta grand-mère. Rigolo, prononce mon plat, j'aimerais bien rigoler. Soleil sur la tête, ça lève les compètes. Mon hall, tu mens et tu sais, je m'empête. Ok, je m'en balais. J'crame une clope dans la. C'est ta seule voix, ma. J'suis pas là, ma. Le Yankee veut ça. En menotte dans la. Au palais, j'sens la. J'rappe que pour la. La street ça pue là. J'vois le monde, j'vois ça. En poster, j'ai là. Tu crois, j'fais le. Et tout ce qu'il y a de. Sa mère là, AMD. J'suis totalement paix. Spécial du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Salut Hicham. Salut Hicham. T'es sur quelle ligne pour les Lyonnais qui nous écoutent? Si on sait jamais, ils vont peut-être te faire un petit coucou demain. Ben, je suis sur la 12. La 12. Donc ouais. Bon, si vous avez un beau gosse, parce que les auditeurs de Skyrock sont beaux gosses, vous le savez. C'est clair. Ah. Bah en fait, généralement, c'est la 12, ça marche trop, mais en fait, il y a pas mal du monde, donc et tout, c'est plus des jeunes, donc des lycéens et tout, donc ils vont écouter bien Skyrock ou quoi. Donc, ouais. Et demain, vous êtes sympa avec Hicham. Ouais. Vous le reconnaîtrez. Décris-toi un peu, Hicham. Hicham, parce que je suis le plus jeune dans la société. Et t'as vu des trucs chelous dans ton bus? T'as dû voir des. Parce que dans le bus, t'es en contact avec toute la population. Donc t'as dû quand même voir un paquet de gens un peu bizarres, un paquet de dingues, ouais. Non? Une fois, en fait, moi je fais plus le soir, le service le soir, parce que je suis tranquille, en fait, je termine à 1h du matin. Ouais, comme ça tu peux faire la grasse mat, c'est tranquille. Bah ouais, et une fois, en fait, il y a une mamie qui est montée avec moi. Absolument. Oui, bonjour, je m'appelle Josiane, en fait, j'aimerais vous sucer, monsieur le Hicham. J'enlève mes dents. Là, je te dis, j'enlevais. Non, ça n'a rien à voir. En fait, elle s'est mise derrière et moi, j'ai pas capté. Au bout d'un moment, en fait, je suis arrivé au terminus et après, voilà. Donc, je dois ramener le bus au dépôt. Ouais. Et en fait, il est un petit peu loin. C'est genre 15 minutes. Et j'ai mis mes écouteurs en train d'écouter la musique et tout. Donc, et j'ai pas. Et derrière, en fait, une fois que je suis arrivé au dépôt, j'ai allumé la lumière. Et la dame, elle sort derrière, elle me dit coucou. On est arrivé ou pas encore, monsieur? Coucou, je suis là. Moi, j'étais en train de me goder avec ma canne. Mais t'es dégueulasse. Et quand j'arrive à la maison, je me mets mon déambulateur. Ouais. Entièrement. Non, mais après voilà, moi, j'étais un petit peu choqué. Je l'ai expliqué, la dame, comme quoi. Non, mais voilà, je pense que la mamie, elle avait dû piquer du nez. Rendu compte, quoi. Ouais. Bah, tu sais, à partir de là. Non, franchement, c'était moi. Après, je l'ai ramené avec ma voiture. Et quand je l'ai ramené. Ah, c'est gentil. Après, voilà. Mais en fait, je l'ai posé devant sa fille. Et en fait, elle m'a dit, voilà, sa fille, elle s'est inquiétée pour elle et tout. Après, elle m'a dit, t'as pris ma mère, tu l'as ramenée où? Mais ta mère, elle était perdue. Je l'ai ramenée, donc. Non, mais attends, c'est ça. Tu t'es fait engueuler. Ah, tu rends service aux gens et les gens sont tellement aigris que l'autre, elle te pourrit la gueule. Qu'est-ce que t'as fait avec ma mère? Tu l'as baisé, ma mère? Elles sont. Je t'avais dit, maman, de pas le faire. Il y a Arnaud qui bosse à la SNCF, qui a 22 ans, et il est à Paris. Je bosse à la SNCF sur Paris, on en voit des pas mal tous les jours. Par exemple, un jour, une mamie qui a perdu son dentier dans le train. Ah bah putain, vas-y, va retrouver le dentier, quoi. Voilà. Et puis sinon, au niveau des cassos, il y en a des pas mal. Il y en a grave, en fait. Il y a un mec, une fois, il était bourré derrière, et voilà, en fait, j'entends. C'est marrant ce que tu me dis, parce que j'ai le même sur. Il commence à frotter sur des meufs et tout. Ah et, non, ah, bourré frotteur. C'est un frotteur. Voilà, en fait, frotteur. Voilà, j'ai dit une fois, deux fois, arrête. Et après, il y a une meuf, elle avait des shorts et tout. Je lui dis, ouais, t'as des jolies jambes, toi, tu rases comment, avec quel rasoir et tout. Après, elle m'a dit, le mec, il est chelou, en fait. Ah bah oui, ça, c'est vrai, ouais, ça, effectivement, et, absolument, oui. Et après, en fait, elle m'a dit, en fait, quand tout le monde est descendu, tout et j'ai entendu des bruits bizarres, en fait je suis arrêté et je lui dis, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, le mec était en train de branler derrière, Ah, il se branlait. Il se branlait, le salopard. Oui, oui, j'ai regardé les jambes de la dame. Mais moi, je l'ai expliqué. J'ai dit, ouais, c'est interdit et tout. Il m'a dit, écoute, tu ramènes tout ce que tu veux, je peux pas m'arrêter. Ah ouais, je suis obligé de me finir. Oui. Oh là là. D'ailleurs, il t'a pas demandé de le finir à la main ou à la bouche. Vous voulez pas me finir, monsieur, s'il vous plaît. Mais en fait, on n'a pas le droit de toucher les clients, donc voilà. Ah bah là, là, là, t'as pas trop envie, ouais. Dommage. Il y a Blacko, lui, il faisait un concours de branlette lors de voyage de classe. Ah, ouais, dans le car. Dans le bus, ouais. Concours de branlette, c'est toi le pervers, ouais. La nuit, il y a des grands malades dans les transports. C'est Toons qui nous dit qu'il bosse à la SNCF la nuit, des grands malades. Ouais, même en journée, hein, gros, moi. Tu sais, une fois en journée, j'ai vu une meuf devant tout le monde, il y avait gosses, des personnes âgées et tout, elle suçait son mec, hein. Elle était contente. Bah, elle avait faim. Ils vivaient bien, ouais, c'était cool. Et son mec était content aussi. Ouais, bah, lui, il était. Non, mais c'était des marginaux. Ouais, mais je crois que c'était un peu des ch'tofs, ouais. Et Robado, elle était vraiment en train de le sucer, mais bien comme il faut dans. Des ouf, quoi. Ta nazie, tu te rappelles de ta nazie? Ah ouais, moi j'étais tombé sur une skinhead dans un bus de nuit. Une skinhead ouais. Nazie. Elle voulait ta peau même. Ouais, c'est ça. J'ai jamais eu de skinhead nazi, Cham, dans ton bus, toi. Non, il n'y avait pas des trucs comme ça. Et bah Romano, lui, il a eu. Il y avait un sans-papier, en fait, une fois, voilà, donc il était à côté de moi, et il me parlait tout. Après, il m'a dit, j'espère que je ne trouve pas des contrôleurs, parce qu'en ce moment, c'était chaud, en fait, pour envoyer au bled et tout. Et le mec, il me dit quoi? Il m'a dit, j'espère que je ne les trouve pas et tout. J'ai dit, moi, t'inquiète. Et en fait, une fois, il a vu les contrôleurs loin, en fait. Voilà, donc moi, j'arrive, je gare avec mon bus pour qu'il contrôle. Et il est tellement perturbé. Il commence à faire la manche, en fait. Il commence à faire le clochard pour qu'il le contrôle. Ah, pour vite acheter un ticket, ouais. Non, il fait « Donnez-moi un euro, s'il vous plaît », de trucs comme ça. Et comme quoi, en fait, les contrôleurs, des fois, quand ils voient les clochards dans les bus, ils les parlent pas, en fait, ils les laissent. Ouais. Et une fois, en fait, qu'il est descendu et tout, il m'a dit « Pfff ». Ils l'ont pas contrôlé, en fait. Voilà, il est retourné vers moi et il m'a dit, bon, j'ai trouvé une bonne technique. Bah ouais, elle est bien, la technique. Ouais, c'est une bonne technique, Romano. Non, mais le mec, c'est pas con, hein. Non, mais fais-le, Romano. Il avait peur de se faire contrôler, tu vois, s'il devait retourner au bled. Oui, c'est clair. Le mec, il a trouvé la technique, ouais, il se fait passer pour un clochard. Si les clochards les contrôlent pas trop. Bah écoute, Romano, avec le t-shirt que tu as aujourd'hui, à mon avis, ça marche. Il est très bien, mon t-shirt. Bah tu vas dans le bus et tu fais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame. Voilà. Non, mais conseil pas cher pour prendre le bus gratuit. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, merci Hicham, c'est bien Hicham. Tu portais les habits de Cédric, ça ira très bien. Hicham, tu bosses au TCL, hein, Transport Lyonnais, tout ça, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc qui nous donne des techniques pour gruger les transports. Ça, c'est gentil, Hicham. C'est bien, c'est bien. Et ah bah tiens, il y a Jacam là. Pareil, je travaille à la SNCF, j'ai eu un mec nu complet qui a laissé ses habits au départ. Il a fait 4 arrêts, le mec. C'est un ouf. Ah ouais. Il y a El Diful del Scaloco qui nous laisse un message. Il a 16 ans, il dit, moi c'est une dame de 47 ans qui lui a pris la tête pendant tout le voyage. Elle m'a tapé la discute. Voilà, 47 ans, elle te tapait la discute. Peut-être qu'elle était. Écoute, elle a envie de parler. C'était peut-être une granny, 47 ans, peut-être pas, mais c'était peut-être une cougar, ouais. Cougar avancée, quoi. Une milf cougar avancée. Qui voulait peut-être goûter. Non, mais c'est goûter la jeunesse. Non, mais il y en a, tu sais, il y a des gens, ils aiment trop parler, tu vois. Bon, oui, absolument. Bonjour, Patrick. Oui, j'aimerais vous parler. Vous avez envie de vous masturber, là? Non, mais pas forcément de cul, tu sais. Il y a des gens, en fait, ils rentrent dans le bus, ils sentent le besoin de parler, quoi. Donc, il suffit que tu tombes à côté, le mec, il va te parler. Le mec ou la meuf, il va te parler pendant tout le trajet, quoi. Et Hello Catch qui nous dit, elle a 20 ans, une fois, j'ai vu un mec chauve avec du vernis à ongles violet. Ah bah, c'était moi. Sur les ongles. J'allais en soirée. Et non, mais vous avez pas vu Cristiano Ronaldo? Non. Bah, il met du vernis? Ouais, il met du vernis au pied. Ouais, il met du vernis. Il met du vernis au pied. Mais quelle couleur? Violet, je crois. Violet ou noir. Ouais, foncé, en tout cas. Ouais, apparemment, c'est la nouvelle mode. Ouais, cet été, il a mis du vernis sur les oreilles. Ouais, c'est la mode chez lui, hein. Ouais, mais ouais, pas la mode chez moi. Ouais, la mode. Pareil, il va lancer une mode, hein. Tu rigoles, Romano, mais peut-être que l'année prochaine, t'auras du vernis sur les oreilles. Ah non, mais non, je sais que j'en mettrai pas. Je préfère pas être pâté à la mode. Bon, bah, en tout cas, merci, Hicham, et puis on retournera dans les bus, dans les transports, si vous avez d'autres trucs à nous raconter. Allô. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ben, c'est vous qui avez appelé. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Hein? C'est donc parti. On va filer quelque part en France. Ah, très bien là. Bon. Chez qui on file? Chez Jean-Jacques et Michel. Jean-Jacques et Michel. Ok. J'aurais préféré un Jackie à la place de Jean-Jacques. Mais bon, on pourrait faire un double appel entre Jackie et Michel. En plus, il est très intéressé, Patrick. Si vous avez un Jackie dans la famille ou un Michel dans la famille ou alors dans votre entourage, laissez-nous les numéros de téléphone. Ah. Allô? Ah mais moi j'en ai, moi. De quoi, des Jacqueline et Michel? Bah j'ai un oncle qui s'appelle Jacqueline. Allô? Qui s'appelle Michel. Allô? Allô? Allô? Oui, allô? C'est qui ça? Moi je suis Patrick, hein. C'est quoi ces histoires-là? Oui, comment vas-tu? Attends, mais Patrick, il est, en plus, cool, il est resté extrêmement correct. Bah oui, Patrick. Il était sympa, sympa comme tout, le Patrick. Bonjour, nous sommes déjà en ligne. Veuillez nous rappeler ultérieurement. Okay. Merci. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Ah, vas-y, rappelle-en deux. Ah, il y a deux ouais, allô. Allô. Bonjour. Oui, j'écoute. Ah. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Pardon. Oui, bonjour, je vous écoute. Ah, j'ai rien demandé, moi. Ah ben, moi non plus. C'est vous qui venez d'appeler sur mon poste, j'ai décroché, c'est vous que j'ai au téléphone. Ah ben non, moi j'ai pas appelé, madame, je vous assure. Et vous êtes qui? Bah, je suis chauffeur de taxi, mais... Ah non, je peux vous garantir que ça sonnait sur mon portable, mais je n'ai pas appelé. Ah bah écoutez, je suis désolée, moi je suis chez moi là, j'ai mon téléphone qui a sonné, j'ai décroché ça. Alors je peux rien vous dire, excusez-moi, mais je n'ai bah, pas tout grave, appelé, hein. Ça sonnait sur mon portable, j'ai décroché, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, merci, excusez-moi. Au revoir. Non mais suite à un truc. Pardon. Bah c'est bon le caca, c'est bon. Vous êtes de mon prénom, hein. Le caca c'est bon. Non non mais moi Le caca c'est bon. C'est une bêtise, ça. Excusez-moi, madame, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi, je crois, là. Absolument. Non, mais on vous appelle pas, là. Je te prends un saucisson de cheval et je te l'enfile, là. Bah, t'es malade ou quoi, là? Saucisson de cheval. Ouais, bah, vas-y, allez. Oui. Qui? Vous êtes qui? Non, mais je vous appelle pas, là. C'est quoi, cette connerie? Je comprends rien du tout à ce que vous dites, là. Ça va pas, non, espèce d'idiot. Mais je vous emmerde, madame, je vous ai pas appelé. Allez vous faire foutre. Vous êtes qui? Un Patrick. Et Patrick qui? Là, je suis bien en train de branler. Oh, putain. Espèce de con, ouais. Branle-toi un peu. Espèce de connard. Je suis en train de masturber, là. Eh, bah oui, il adore ça, Patrick. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu? Ah, ça y est, pas bah, grave. Oui, absolument. Ouais. Attention, attention, pas un double, pas un triple, mais un quadruple appel. Eh ben, voilà. La spéciale de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Quadruple appel pour terminer l'émission en beauté. La spéciale de Difool, tiens, plein de dédicaces à passer. Il y a Otine du 64 qui a tweeté comme une malade tout au long de la soirée, qui voulait un big up. Big up à toi, Otine. Un big up également du côté de la page Facebook Skyrock. Il y a Nicolas qui veut une dédicace pour Alicia, également son petit bé, un big up également à Enzo et à ses potes Sach, Rose et Claire. Il y a The Caron aussi qui a envoyé un message pour savoir comment on faisait pour avoir l'iPhone 7. Soit à l'écoute demain matin sur Skyrock, mon poteau, dans le morning de Difool, ça sera gagné à 6h20, 7h20 et 8h20. On jouera à l'invité mystère et à Info ou Mytho, donc Difool qui posera les questions de sélection. 6h20, 7h20 et 8h20. Un big up au poteau du 95, tous ceux qu'on voit des messages, à Tom également depuis l'appli Skyrock, et puis tous ceux qu'on voit pas de messages aussi mais qui sont à l'écoute, ça nous fait plaisir. La spéciale, c'est terminé pour ce soir. Difool et Romano en direct demain matin entre 6h et 9h, la nouvelle semaine du morning, la radio libre demain soir sur Skyrock, à pas louper, en direct à partir de 21h. Et là on file retrouver Fred et DJ Case qui sont en train de s'installer pour Rail Suprême, l'émission Rail de Skyrock. C'est parti pour 2 heures de Rail dans quelques secondes. Tous les matins, Difool a déjà distribué plus de 50 000 euros en cash. Quelle est ta radio préférée? Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, Kimi, bravo. Ouais. Une trentaine, une cinq, ouf, enfin des masses d'iPhone 7. Ton iPhone 7, le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des familles. Je vous amène votre nouvelle télé ce matin. Oui, ben arrive, tu vas voir, je vais te recevoir. Ah bah, et puis surtout, n'oublie pas les 5000 euros, mon Jackie. Des stars ont réveillé la France. Wesh l'équipe, c'est Jules, Maître Gims. C'est le Black M en personne. Oui, moi je suis vierge Marie. En direct de l'appart, 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein. Moment au 71-777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. Skyrock.